Auditrice, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, anciennement RTU. RTU, ça voulait dire Trait d'Union, Radio Trait d'Union. C'est bien quand même un Trait d'Union. C'est utile, un Trait d'Union. Et oui, bon, elle a changé de nom. Bon, voilà, hein, c'est des choses qui arrivent. Alors, le programme de ce soir, de ce calendrier des esclavages et des libérations, eh bien, ce sera ce soir... Macron, Père Noël des riches, mais c'est une chanson. Chanson de Jean-Yann aussi. Histoire des migrations, les grandes invasions, les Vandales, les Alains, les Francs. Oh là là, on a été envahis. Hein, nous autres, la France. Il y a des gens qui sont arrivés, hein. Ah oui, oui. Et puis les armes à la main. Et puis ils ont envahi le territoire. Et oui. Ouais, voilà. Enfin. Adrien Quatennens, retraite, retirer la réforme. Son intervention est très courte, 2 minutes 03. Mais il dit beaucoup de choses quand même, Adrien Quatennens, en peu de mots. C'est le contraire de certains. Hein. Jean-Luc Mélenchon, mobilisez-vous. Retraite, rien n'est joué. Macron est un forcené, dit Frédéric Lordon. Ensuite, débat, Macron, climat, industrie, recherche.

si on exigeait que les députés, les sénateurs, les ministres, etc., aient travaillé la terre de leurs mains au moins un mois, hein, eh ben, le recrutement serait différent, hein, je crois. Oh oui. Oh oui, oh oui. 1904, France. Après 2 ans de fonctionnement, la mine ouvrière des petits châteaux est liquidée. Cette coopérative a échoué parce qu'elle était un cadeau empoisonné, que les commandes n'étaient pas livrées à temps et souvent annulées, que le fonctionnement de la mine était défectueux et parce qu'il n'y a pas eu d'aide financière suffisante. 1933, au Japon maintenant. Le Japon quitte la Société des Nations qui refuse de reconnaître les Manchukuo. Le déclin de la SDN commence. SDN, c'était la Société des Nations. C'était ce qui a précédé l'ONU, Organisation des Nations Unies, qui ne joue pas son rôle parce que certains ont fait ce qu'il fallait pour que l'ONU ne puisse pas jouer son rôle. Hein, voilà. Hein, oui, c'est criminel, mais c'est comme ça. 1938, Autriche. 15 jours après l'annexion du pays par l'Allemagne nazie, les évêques autrichiens font lire dans les églises une déclaration invitant les catholiques à voter oui lors du référendum sur la Grande Allemagne. Ah, tiens, c'est un truc qu'on ne dit pas souvent ça. 1938 Autriche, 15 jours après l'annexion du pays par l'Allemagne nazie, les évêques autrichiens font lire dans les églises une déclaration invitant les catholiques, à voter oui lors du référendum sur la Grande Allemagne, Grosse Deutschland, hein, Deutschland über alles. Dans la suite, l'épiscopat reviendra sur ses premières déclarations. Oui, peut-être après la guerre, hein, oui, eh oui. 1942, France, premier départ vers l'inconnu des Juifs parqués dans le camp de Drancy. On leur dit c'est le départ pour le travail et la liberté. Ils sont 567 hommes, parmi eux des volontaires. Eh oui, la propagande, elle est toujours efficace, la propagande. 1950, France, grève des dockers à Marseille. 1956, France, une loi accorde la troisième semaine de congés payés aux travailleurs. 1956, France, une loi accorde la troisième semaine de congés payés aux travailleurs. 1977, Chili. Le comité permanent de la conférence épiscopale publie un document dans lequel il décrit le gouvernement actuel comme non représentatif et déclare qu'un système politique ne peut être viable que s'il émerge d'un consensus libre. Et oui, l'Église, les religions. 1982, Belgique. Marche sur Bruxelles, organisée par la CSC, Confédération des syndicats chrétiens. Les deux grands syndicats mettent en cause le projet de restructuration de la sidérurgie et la politique globale du gouvernement qui pèse sur les catégories les plus pauvres. 1984, Chili, 8e journée de protestation nationale contre la dictature de Pinochet. Elle est largement suivie, on parle de plus en plus de grève générale. Si tu t'en irais, si tu me laisserais seul au monde, des fois t'aurais eu connu quelqu'un que t'aimerais encore mieux. Si tu t'en irais, si tu serais plus ma blonde, si des fois tu m'aimerais plus, ah qu'est-ce que je serais malheureux. Car depuis le jour où tu m'as dit que tu m'aimais, moi je suis fou de toi. Et si des fois tu m'aimerais plus autant, y aurait quelque chose du zèle au fond de moi. Si tu t'en irais, si t'abandonnerais ma vie, si tu voudrais t'en aller dans les bras d'un autre cœur, si tu t'en irais, laissant nos âmes désunies, si tu tenterais d'oublier, je ne ferais que verser des pleurs. Car depuis l'instant de l'heure où nous fûmes amoureux, moi j'hume, hecte mes yeux de joie, mes larmes, loin des alarmes, coulant d'un charme voluptueux. Je crois bien que je mourirais si un jour tu t'en irais. Jusqu'à présent, on ne s'est pas beaucoup attardé sur nos amis vandales. Il est temps de réparer cette erreur. Quand on fait le point sur les régions de l'Empire romain qui ont été pillées par les barbares, on réalise qu'il subsiste deux zones préservées en Occident, les îles de Méditerranée et l'Afrique. En cette époque troublée, l'Afrique fait office d'oasis. Vu qu'elle est protégée au sud par le Sahara et au nord par la Méditerranée, il n'y a pas de barbares en vue. Du coup, le Maghreb sert d'ultime réserve de blé pour l'Occident quand tout le reste est pillé. Pourtant, les ennuis se profilent. En Andalousie, les Vandales sont en train de reluquer cette belle proie. Traverser le détroit de Gibraltar, c'est pas la mer à boire, mais pour les Vandales qui viennent de Pannonie, ça nécessite quand même un peu de préparation. C'est en mai 429 que le roi Genséric saute le pas. Tout le monde y passe, y compris les femmes et les enfants. C'est un peuple au complet qui poursuit sa migration en abandonnant complètement l'Espagne. Beaucoup d'Alains sont aussi de la partie. Ils vandalisent tout en un rien de temps, jusqu'à parvenir devant la ville d'Hippone qu'ils assiègent. En particulier, Saint-Augustin, qui a beaucoup contribué à forger l'Église d'Occident, succombe avec les autres. Les Romains réussissent quand même à défendre la future Tunisie centrée sur Carthage. Focalisés contre la Tunisie, les Vandales ont tendance à délaisser la partie occidentale de leur royaume. Les Berbères du futur Maroc en profitent pour reprendre leur indépendance. À force de cogner contre les Romains, les Vandales finissent par arriver à leur fin. 10 ans plus tard, ils prennent Carthage dont ils font leur capitale. Ils récupèrent toute une flotte au passage qui va leur permettre de conquérir les îles dans les 2 décennies à venir. Baléares, Sicile, Sardaigne et Corse. Avant d'en arriver là, il faut quand même présenter ces Vandales un peu plus en détail. En fait, ils sont assez semblables aux Goths et aux Burgondes. Ces 3 peuples étaient voisins à l'origine, avant qu'ils ne quittent les rives de la Baltique. Alors, leur langue germanique n'a rien à voir avec l'allemand ou l'anglais, hein. C'est un rameau complètement éteint. Heureusement que Wulfila a inventé l'alphabet gothique, sinon on n'aurait même pas pu vous en parler. Comme les Visigoths, les Vandales ont migré près du Danube. Ils se sont donc christianisés à leur contact, ce qui signifie qu'ils ont adopté l'arianisme. Finalement, on assiste à une coupure de plus en plus nette. D'un côté les barbares ariens, et de l'autre les romains nicéens. Par cette pirouette, les barbares peuvent se romaniser sans perdre la face. Ils gardent leur identité. Pour résumer tout ça, on va faire le point sur les pérégrinations d'un Vandale de cette époque, comme on avait fait pour les Visigoths. Prenons quelqu'un qui a passé son enfance dans les plaines de Hongrie. À 15 ans, il quitte sa patrie dans un chariot avec des centaines de milliers d'autres. C'est le début de la grande migration. Il franchit le Rhin à 17 ans, ravage la Gaule avec tous ses copains, franchit les Pyrénées à 19 ans et fait pareil en Espagne. À 21 ans, il s'installe en Andalousie, et là, ça commence à taper dur face à l'alliance des Visigoths et des Romains. Mais il tient bon. Il a 39 ans au moment où il emmène ses enfants de l'autre côté des détroits pour ravager l'Afrique. Et il en a 49 au moment de la prise de Carthage. C'est là qu'il passe les dernières années de sa vie, laissant à son fils le soin de conquérir les îles jusqu'en Corse, qui est le dernier bastion d'Occident à tomber. Telle est la fabuleuse destinée des Vandales. Pendant ce temps-là, il s'est passé quelque chose d'important en Gaule, qui forgera l'âme de l'Europe occidentale. Les Francs s'apprêtent à entrer dans l'histoire. Los moros que trajo Franco en Madrid quiere entrar, mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. Aunque me tiré en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. Diez mil veces que los tiren, diez mil veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingeniero. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán. En el Ebro se han hundido las banderas italianas. En los puentes solo quedan las que son republicanas. Y en los puentes solo quedan las que son republicanas. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Merci Madame la Présidente, Madame la Première Ministre. Dans le courrier de réponse qu'il a adressé aux responsables syndicaux à propos de la réforme des retraites, le Président de la République reprend à son compte le tissu de mensonges que le gouvernement nous sert depuis le début du débat parlementaire. Le premier des mensonges, c'est celui du déficit qui justifierait cette réforme. Dans le document faisant office d'étude d'impact publié par le gouvernement, le déficit est artificiellement gonflé, en tablant sur une diminution de la contribution de l'État. Les déficits y sont affichés en euros courants, sans prendre en compte l'inflation et ne sont pas rapportés au PIB, comme le fait le Conseil d'orientation des retraites. Car rapporté au PIB, le déficit est bien moins impressionnant que l'affichage du gouvernement. Les administrations de la sécurité sociale resteraient largement excédentaires, notre système de protection sociale est en bonne santé financière et le déficit annoncé des retraites ne le met en aucun cas en péril. Quel est donc votre but ? C'est clairement de baisser les dépenses publiques en général et non pas de sauver le système de retraite pour repasser sous le seuil des 3% de déficit la fameuse et absurde exigence de l'Union européenne. À quel prix ? Au prix d'une réforme qui fera augmenter deux fois plus l'âge de départ des femmes que celui des hommes. Au prix d'une réforme qui pénalisera les carrières longues. La hausse de la durée travaillée serait 60% plus élevée pour celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt que pour l'ensemble de la population. Au prix de mensonges sur la revalorisation des minima de pension, avec la réforme, 40% des femmes retraitées et 15% des hommes retraités auront encore une pension inférieure à 1 200 €. Les mesures dites sociales concerneront bien peu de monde, quand le recul de l'âge de départ, lui, concernera près de 400 000 personnes par an. Cette réforme fracture le pays. Le débat parlementaire, c'est la démocratie, mais la démocratie ne se résume pas au débat parlementaire. Entendez le cri de colère historique venu de la rue et des piquets de grève, retirez cette réforme ou soumettez-la au référendum. Monsieur le Président, je prends la plume aujourd'hui, comme l'ont fait Boris Vian et Renaud après lui. J'ai l'espoir qu'une lettre sera peut-être lue, quand le bruit sous vos fenêtres, vous ne l'entendez plus, monsieur le Président. Seriez-vous dur d'oreille pour bafouer si longtemps un boucan sans pareil? C'est le peuple qui gronde, qui occupe vos boulevards, pendant que la bête immonde se rapproche du pouvoir, monsieur le Président. Je ne viens pas en guerre, déserteur également, mais surtout en colère, quand fleurit l'injustice, les propos indécents, quand on voit la police cogner des innocents. Monsieur le Président, refusez-vous de voir ceux qui vous ont un temps choisi dans l'isoloir. C'est l'infirmière de garde qui ne compte plus ses pleurs chaque nuit quand elle regarde l'hôpital qui se meurt. Monsieur le Président, admirez les banderoles aux bras des enseignants qui se saignent à l'école. Qu'y a-t-il de plus beau qu'un gamin qui apprend, qui monte sur l'escabeau pour devenir plus grand? Monsieur le Président, si j'ose ces quelques vers, peut-être impertinents, c'est qu'on marche de travers. Oubliez l'arrogance au fond de votre planque. On ne dirige pas la France comme on dirige une banque. Monsieur le Président, remarquez ceux qui plongent, ouvriers, artisans, tour à tour jettent l'éponge. Et les rires en pagaille, ils ne résonnent plus quand une usine se taille, quand un père s'est pendu. Monsieur le Président, notre belle maison brûle, il est fini le temps des magouilles, des calculs. Admirez nos montagnes, l'océan, les oiseaux, il est temps que l'on soigne la terre de nos marmots. Monsieur le Président, et sauf votre respect, vous offensez grandement votre poste au sommet. Faut être à la hauteur du berceau des lumières, des poètes, des auteurs, des femmes qui se libèrent. Monsieur le Président, tout en haut de l'échelle, je vous l'accorde pourtant, la vue doit être belle. Mais descendez d'un cran et mesurez la peine de millions de braves gens que vos lois ne comprennent. Monsieur le Président, passez-moi les menottes, faites-moi taire sur le champ, interrogez mes potes. Je ne fais que chanter la résistance, la vie, l'amour, la liberté que le monde nous envie. Monsieur le Président, peut-être m'avez-vous lu, vous n'avez guère le temps, et d'ailleurs moi non plus. J'ai le cœur à combattre l'absurdité humaine, armée d'une feuille à quatre, alors à une prochaine. Bonjour, ouais. Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Ancien candidat à l'élection présidentielle, leader de la France insoumise. Merci d'être avec nous ce matin. Vous n'êtes plus député, Jean-Luc Mélenchon, mais vous étiez hier à l'Assemblée nationale en observateur au moment où Elisabeth Borne a annoncé qu'elle aurait recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer sa réforme des retraites. Est-ce que ce matin vous regrettez l'utilisation de cet article? Vous auriez préféré un vote? Ou bien est-ce que vous êtes satisfait de voir le gouvernement contraint d'y recourir? Je suis les deux. D'un côté, le 49-3 est une mesure extrêmement brutale. Pardon de vous contredire, mais elle n'a pas d'équivalent. Car 49-3 bloque et considère qu'une loi est adoptée tant que le gouvernement n'a pas été renversé. Nous avons un article équivalent à celui des Allemands, c'est le 49-2, ou je crois que c'est le 49-2, qui dit qu'on peut déposer une motion de défiance à l'égard du gouvernement, mais c'est en dehors de la procédure de l'adoption d'une loi. Donc ça, c'est un cas unique qui résulte, là vous avez raison, d'une situation cafardesque de la période de la 4e République, où on a essayé d'inventer, le général de Gaulle avait appelé ça la démocratie rationalisée. Uh-huh. Bonjour tout le monde, c'était quand même une façon de serrer la gorge à tout le monde. Donc il n'y a pas d'équivalent, et donc de ce point de vue, je déplore ce 49-3, et je souhaite que la 5e République soit remplacée par une 6e République à la suite d'une constituante. Mais après, c'est un combat. Enfin, on va pas raconter d'histoire. C'est un combat qui a lieu. La France sociale est entièrement mobilisée, la France politique est entièrement mobilisée, tous les partis. Et dans ce combat, on regarde le président de la République qui administre l'État au lieu de gouverner le pays. Alors lui, il a décidé qu'il fallait absolument cette réforme-là, celle-là, hein, et pas une autre. Et la discussion n'a pas lieu, et ça passe de force. Mais auriez voulu un vote des députés à l'Assemblée? Vous auriez aimé qu'il y ait un vote sur les 64 ans? Moi, je prends... C'est pas mes vœux n'importe peu. Ce qui compte, c'est la situation politique. La situation politique est la suivante. Nous avons, nous, atteint notre objectif. Nous, je dis tous ceux qui étaient contre cette réforme. Ce texte n'a aucune légitimité parlementaire. On a raison de se révolter. On a raison de se mobiliser. Parce que ce texte ne vaut que ce que vaut la parole de quelqu'un qui est minoritaire dans le pays, le président de la République, qui n'a pas de majorité à l'Assemblée. Mais d'un point de vue institutionnel, le texte aura valeur si les motions de censure lundi prochain échouent. Alors, Bien sûr, mais il y a façon et façon, comme je l'ai dit, on administre ou on gouverne. Si vous administrez, bah c'est écrit à l'article 49.3, ceci et cela va se passer. Si vous gouvernez, ça veut dire quand même tenter de rassembler un peuple sur des objectifs communs, c'est une méthode épouvantable. Et j'ajoute ceci, ce sera une très grande première dans l'histoire parlementaire de la France, parce qu'on aura un texte qui n'aura été voté librement nulle part, ni au Sénat, ni à l'Assemblée. C'est un petit peu de votre faute pour l'Assemblée. Ah mais l'obstruction de la première lecture, oui. L'article 7 n'est pas examiné parce que vous ne voulez pas qu'il soit examiné. C'est bien, mais écoutez, rien n'obligeait à ce qu'il y ait un temps contraint. Ça, c'est une trouvaille de M. Macron et de Mme Borne. Ils ont décidé, article 47.1, qu'on appliquerait l'article 47.1 qui limite dans le temps la discussion. Et il le limite d'une manière qui n'est pas constitutionnelle parce que ça se rapporte à la nécessité obligatoire d'avoir voté le budget de l'État et de la Sécu avant Noël. On n'est pas à Noël là, on est en janvier. Si on appliquait littéralement la Constitution, on dirait, bah vous avez jusqu'à décembre prochain pour en discuter, puisque c'est prévu qu'on doit avoir fini en décembre. Non, ce qui est prévu, c'est que ça fera 50 jours. Un, c'est lui qui a bloqué la discussion. Deux, la discussion a commencé. Soit vous décidez que le droit d'amendement n'existe pas, il comporte la possibilité de faire de l'obstruction, tout le monde en a fait, de tous les partis, depuis le début de la Ve République. Je vous rappelle qu'a duré 2 mois la privatisation de TF1, hein, pour donner un exemple. J'en ai vu d'autres, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Par conséquent, ça n'a pas été voté librement au Sénat à cause du 47.1, puis il y a eu un vote bloqué, et à l'Assemblée nationale, on a voté de 2, en tout et pour tout, 2 articles de la loi, dont un a été battu. Compte tenu de ce que vous nous dites, Jean-Luc Mélenchon, le texte est-ce que n'a vous aucune légitimité. L'expression de Mathilde Panot, hier, oui. Chef de file des députés insoumis à l'Assemblée, nous sommes dans un basculement autoritaire. Vous dites ça ce matin? Alors, je pense qu'elle a raison de parler comme elle le fait. D'abord, si on parle un ton plus bas, on n'est pas écouté. Alors donc, il faut toujours un peu monter le ton. Mais elle n'est pas la seule. Au Sénat, une sénatrice socialiste a dit que c'était un coup d'État. Mais Michel Rocard était autoritaire, alors? Mais je sais pas, moi j'ai pas là, c'est pas Michel Rocard qui est en face de non, moi, je le regrette. Fois, hein, il a utilisé le 49, parce que c'était un vrai démocrate, contrairement à l'usage et abusif. Et adepte du 49.3. Oui, bah peut-être bien, fois. Mais pas moi, donc je le dis, mais je ne voudrais pas qu'on assigne Michel. Mais à l'époque, vous étiez sénateur, Jean-Luc Mélenchon, le recours au 49.3 ne vous scandalisait pas? Ah bon? Ah bon, ben c'est que vous avez des souvenirs qui sont imprécis. Disons que j'ai eu des tensions avec Monsieur Michel Rocard comme avec d'autres. Mais Michel Rocard était un vrai démocrate. Personne ne peut lui retirer ça. Ce n'est pas le cas. Et d'abord, Michel Rocard croyait à ses idées. Madame Borne est soi-disant de gauche. Personne ne se rappelle ce qu'elle a fait à gauche, ni quel type de bataille elle a jamais menée à gauche. Et elle vient et elle commence par citer Rocard le jour où elle procède à un coup de force. Et voyez-vous, il s'est passé quelque chose d'assez fondamental, c'est que tout aussitôt, il s'est produit des mobilisations spontanées dans tout le pays. Il va de soi que, pour ma part, je les encourage parce que je pense que c'est par là que ça se passe. Et les syndicats unis nous réappellent à l'action ce week-end et le 23 jeudi mars. Jeudi prochain, oui. Effectivement, Jean-Luc Mélenchon, des milliers de personnes se sont rassemblées hier soir dans plusieurs villes du pays et il y a eu aussi, en marge de ces manifestations, des violences, des dégradations à Paris, autour de la place de la Concorde, mais aussi à Nantes, à Dijon, à Marseille, à Rennes. Et alors, vous êtes chargé de faire la morale ? Plusieurs centaines de casseurs dans les rues, je vous cite juste ce qui s'est passé. Oui, et je cite sûr. Aussi la maire de Rennes, qui déplore des violences sidérantes. Jusqu'ici, les manifestations s'étaient déroulées dans le calme. Oui. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous condamnez ces débordements et est-ce que vous les redoutiez ? Si vous m'avez réuni, invité pour faire la police morale, vous vous êtes trompé de client. Trouvez-en un autre. Parce que, si vous voulez, là, dans la liste que vous venez d'évoquer, il manque quelque chose. Il manque l'intervention à 5h30 du matin des CRS, au dépôt de Vitry des ordures. Hier matin. Oui. Et décidant de tirer dans le tas, alors qu'au premier rang, il y a la présidente du groupe insoumis, Mathilde Panot, et les députés du Val-de-Marne, Clémence Boyard, Clémence Guettet, et Louis Boyard. Et je crois que, je ne sais pas si Rachel y était ou pas. Donc Clémence Guettet, Louis Boyard et Mathilde Panot étaient là, sains de leur écharpe, et l'ordre a été donné de tirer dans le tas. Ça, c'est une violence insupportable. Si on ne respecte plus le drapeau, quand on est soi-même chargé de soi-disant maintenir l'ordre, alors après, il ne faut pas s'étonner que Mme Borne parle pendant qu'on chante la Marseillaise. Jean-Luc Mélenchon, ces gens ne respectent rien. Le 11 mars dernier, Marseille, vous avez dit qu'il faut trouver une porte de sortie à cette crise. Donc, nous allons en trouver une par la force. Oui, c'est la fin de ma phrase. Qu'est-ce que ça veut dire la force de quoi? Mais la force du nombre, allons. Qu'est-ce qui est notre force principale? c'est pas quatre poubelles qui brûlent. C'est que c'est le travail, comme l'a dit le secrétaire général de l'Union départementale CGT dans le style qui est le sien, des Bouches-du-Rhône, mais qui est tellement percutant, monsieur Olivier Matteux. Il a dit, mais c'est nous qui faisons tout, c'est nous qui produisons tout. Par conséquent, on ne peut pas, et je vous demande de l'entendre, vous avez raison de dire qu'il y a une démocratie parlementaire avec une constitution. Je suis contre la constitution, mais je la respecte. Mais il y a aussi ce qu'on appelle en France une république sociale, c'est dans le texte de la constitution, et il y a une démocratie sociale. Par exemple, on vote pour élire des juges prud'hommes. Normalement, on devrait voter pour élire les administrateurs des caisses de la sécurité sociale, et, pardon de vous le dire, mais la caisse de la sécurité sociale ne peut pas être assimilée au compte public puisqu'elle fonctionne avec des cotisations et que globalement la caisse de la sécurité sociale n'est pas en déficit. Elle est excédentaire cette année encore de 3 milliards et en 2027 ou 28 elle sera excédentaire encore. Donc tout ça, ce sont des mensonges pour faire peur. Il n'y a pas de crise comptable de la sécurité sociale. C'est pour répondre aux injonctions de la Commission européenne que tout ça est monté. Il n'y a pas de déficit des retraites, il n'y a pas 13 milliards d'euros manquants en 2030. Vous avez décidé, vous, commentateur de France Inter, que les caisses de la sécurité sociale... Non, mais écoutez, j'ai pas envie de m'en prendre à vous, mais je veux vous dire que la présentation que vous faites ne correspond pas aux faits. La caisse de la sécurité sociale était une caisse unique à la Libération. Vous aviez dedans le chômage, vous avez tous les risques assurantiels étaient dans la même caisse. C'est le général de Gaulle, monsieur Debray, je crois, qui a découpé en morceaux. Non, c'est Monsieur Jeanneney, je crois, qui a découpé en caisses différentes et demande que chaque caisse soit à l'équilibre. Pourquoi ? Si vous avez une année où la caisse santé s'est mieux portée, il y a un excédent, pourquoi on le reverserait pas dans les retraites l'année où il y a un trou ? Et l'année où les retraites sont excédentaires, pourquoi Jean-Luc on le reverserait Mélenchon. Pas dans maladie ? La suite... La preuve, monsieur, pardon, c'est qu'actuellement, le gouvernement a décidé de reverser une partie de l'excédent de la caisse accident du travail dans la caisse retraite. Donc, faut arrêter de raconter aux gens des choses qui ne sont pas. La sécurité sociale n'est pas en déficit. C'est un mensonge. Jean-Luc Mélenchon, la suite, c'est le possible dépôt de motion de censure. Souhaitez-vous que le groupe LFI en dépose une ? Ou bien faut-il soutenir celle qui sera déposée par les centristes du groupe Liotte ? Ah, alors je vous réponds tout de suite. Il avait été décidé que, en toute hypothèse, les Insoumis déposeraient une motion de censure. Ça se ferait ensuite, on a constaté que toute la NUPES était d'accord pour qu'elle soit déposée. Nous refusons la banalisation du 49-3. Mais je vais répondre à votre question pour qu'elle ne reste pas en suspens. Nous avons décidé de donner les plus grandes chances possibles à la censure et donc de retirer notre propre motion de censure au profit de la motion de Liotte. Ça a été décidé hier soir par le groupe, car je rappelle que ce sont des décisions qui dépendent du groupe parlementaire et pas du mouvement. Donc la décision a été prise. Mais j'insiste solennellement, nous avons refusé la banalisation du 49-3. Elle l'a fait 10 fois. Et hier, si on a chanté la Marseillaise, si mes amis ont décidé de le faire, c'est pour ne pas banaliser cette procédure. Et ils ont eu raison, ça a déclenché ce que vous savez ensuite. La NUP, plus les centristes, plus le RN, plus peut-être des députés LR pour soutenir cette motion de censure. Quelle est la cohérence, Jean-Luc Mélenchon ? La cohérence, c'est que personne ne veut cette réforme. Faudrait quand même pas que vous abusiez. Tantôt, on nous demande, quand c'est le gouvernement qui dit qu'il va faire voter LR de son côté, alors là, c'est cohérent. Quand, par contre, on se retrouve à dire qu'on ne veut pas du gouvernement, c'est incohérent. Non, vous verrez. Et d'ailleurs, je vais préciser. Le vote de la motion de censure ne signifie rien d'autre que le refus du texte sur les retraites à 64 ans. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est Madame Borne qui l'a dit hier soir sur TF1. Elle a dit, il faut voter avec nous contre, ne pas voter la motion de censure pour approuver la réforme des retraites. Donc, ceux qui ne votent pas la motion de censure approuvent les retraites. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que ça donnera si la motion de censure est votée ? Eh bien, Madame Borne s'en ira, parce que c'est comme ça, l'esprit de la Constitution, le gouvernement s'en va. Et Monsieur Macron pourra nommer un autre gouvernement s'il a l'intention de le faire. C'est lui qui a rajouté la dissolution. Mais ça n'est pas écrit dans le texte de la Constitution. On n'a pas compris, point de précision, quand vous dites la police sur les piquets de grève tire dans le tas. Elle a tiré dans le tas quoi, en fait ? Alors, je vais vous expliquer, ça consiste, vous êtes en rang, je vais vous expliquer comment ça se passe, vous mettez en rang, vous mettez devant les parlementaires en écharpe, et quelqu'un, donne l'ordre qu'on tire des grenades lacrymogènes dans le tas. Donc, tout le monde s'est pris des grenades lacrymogènes. Mathilde Panot avait les yeux assez sévèrement atteints, parce que c'était du poivre qu'ils ont tiré cette fois-là, c'est pas les lacrymos. Et donc, ça a fait beaucoup de dégâts. Boyard était à terre, Guettet était... Tout le monde s'est mis à courir, comme hier soir. Non. Et ça, c'est absurde. C'est une violence excessive. Franchement, on a l'impression d'être revenu dans la période l'allemand. Jusque-là, tout Merci se passait bien. Ah bon, ça vous va? On voulait cette précision, Jean-Luc Mélenchon, sous vos propos en début d'émission du journal. Merci à vous, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir été notre invité ce matin. Donc, la lutte des gens qui m'écoutaient, il y a ça qui compte, c'est ça qui est important. Complicité dans la débile, la méquette dans la mafia, un coup de sourdine, dessus de combine, et t'avais ton radar. Tandis que toi tu joues à l'homme, tu me l'as fait au cousu d'or. Tu n'es qu'une pomme, car les vrais hommes, ça fait des petits efforts. Méfie la mafia radine, t'as une bonne place à l'usine. C'est toi que t'aimes la mandoline, mais la mafia, elle aime ça. Pour mieux beurrer tes tardines, et merdailler ta poitrine. Faut savoir jouer de la chopine, et la mafia, elle aime ça. Tant pis si t'es au bas de l'affiche, t'avais qu'à être dans la mafia. Un petit pourliche, et te v'la riche, avec un nom comme ça. Tandis que toi tu prends des poses, t'es même pas dans le bottin. Ça dispose, mais c'est à cause de ça que t'es dans le pétrin. Méfie de la mafia, se ramène, t'es ni José ni Carmen. Quand tu chantes, c'est la bohème, et la mafia, elle aime pas ça. Tu vas traîner en terre en gaine, le long de la longue Seine, en crachant sur ceux qui t'aiment, et la mafia, elle aime pas ça. Tant pis si tu meurs dans la dèche, vaut mieux crever dans la mafia, avec une crèche, dans une calèche, et des croque-muches en soie. Tandis que toi tu pars en somme, tu pars comme t'es jamais venu. Un petit coup d'homme, si t'es un homme, personne n'en a rien su. Regardez-moi le mec qui se taille, tiré par deux chevaux de bataille, suivi par un chien qui braille, à son amour, et la mafia qui se cavale. Carrefour loué sous la dalle, c'est pas comme pour la fringale, c'est jamais le jour, c'est jamais le jour. Si tu chantes ma chansonnette, pour faire ton métier de vedette, t'as qu'à barrer ce qui t'embête avec des X, ou bien chanter en anglais les conneries qui plaisent aux riches. Alors tu seras sur l'affiche, Apocatix, Apocatix. Gisèle Halimi n'était pas devenue avocate. Votre gouvernement de droite, madame la première ministre. J'ai peine à comprendre, monsieur le président Kanner, votre ton, vos insinuations. Vous portez demain la responsabilité de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et on peut avoir un vote, finalement, qui défait cette loi. La France souffre et le mal qui la ronge, c'est l'injustice. L'opposition de gauche muselée au Sénat et Elisabeth Borne, qui est de moins en moins assurée d'obtenir une majorité sur son texte, la coalition présidentielle qui montre des signes de dislocation et le RN qui entend bien tirer les marrons du feu. C'est le sommaire du numéro 32 du Bourbon de Serge. Emmanuel Macron se tait. Trop de fêtes endiablées en Afrique sans doute. Et puis Jupiter ne descend jamais de l'Olympe. Pas question de recevoir des syndicalistes à l'Élysée, comme ces derniers le réclament. Le président préfère les hommages aux disparus. Cela ne risque pas de lui répondre. Gisèle Halimi n'était pas devenue avocate. Elle était née avocate. Pour elle, ce n'était pas une profession, pas même une vocation, sans doute un peu plus qu'un idéal. C'était avant tout son tempérament. Elisabeth Borne, elle, se crispe. Fini les simulacres de dialogue, le gouvernement passe en force. Dans la nuit de mardi à mercredi, avec la complicité active du groupe LR et de Gérard Larcher, le président du Sénat, l'exécutif a entrepris de museler l'opposition. En utilisant un article jamais employé du règlement de la Chambre haute, Bruno Retailleau a obtenu de Gérard Larcher que soit réduit le temps de parole de la gauche sénatoriale. Et une réécriture de dernière minute de l'article 7 du projet de loi a permis de liquider les amendements de l'opposition. Je vous épargne les astuces procédurales et la tambouille qui l'accompagne. Ce qui est certain, c'est que la gauche sénatoriale n'a plus que le droit de se taire. Résultat, cette nuit, le Sénat a adopté l'article 7 sur le report de l'âge légal à 64 ans. Hier, mercredi, lors des questions d'actualité au gouvernement, Patrick Kanner a interpellé la Première ministre en termes assez vifs. La nuit dernière, votre gouvernement de droite, Madame la Première ministre, était main dans la main avec la droite sénatoriale de Monsieur Retailleau pour empêcher que l'on discute correctement du report de 2 ans de l'âge de la retraite, alors que le même jour, des millions de Français étaient dans la rue pour dire non. Votre volontarisme, c'est en fait de l'entêtement. Votre équilibre financier, c'est en fait un nouvel impôt sur la vie. Votre intérêt général, c'est en fait la préservation des privilèges. Et pourtant, les vrais sujets ne manquent pas. Inflation, précarité, services publics fragilisés. La France est au bord de l'implosion sociale et vous regardez ailleurs. Madame la Première ministre, pouvez-vous demander au président d'entendre les Français ? Pouvez-vous lui demander de recevoir l'intersyndicale comme elle le demande ? Pouvez-vous lui demander de retirer cette réforme ? Réponse offusquée d'Elisabeth Borne. Je peine à comprendre, monsieur le président Kanner, votre ton, vos insinuations et vos attaques. Comme vous le savez, le gouvernement n'intervient pas dans l'organisation des débats au Sénat. Cette dernière affirmation est une aimable plaisanterie. Doit-on rappeler à Elisabeth Borne que c'est elle qui a choisi de recourir à l'article 47-1, c'est-à-dire un véhicule législatif qui limite le débat parlementaire à 50 jours. À part ça, elle n'intervient pas dans l'organisation des débats. Si Elisabeth Borne affecte de prendre ses distances avec le Sénat, c'est en réalité parce qu'elle s'active en coulisses pour trouver un accord avec la droite. Vous portez la responsabilité de cette réforme dont personne ne veut. Vous portez la responsabilité du blocage du pays. Vous portez la responsabilité d'un choix constitutionnel, le 47-1 qui muselle le Parlement. Vous portez avec vos alliés de droite la responsabilité du déni démocratique à l'œuvre. Vous portez demain la responsabilité de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Madame la Première ministre, vous avez déjà trahi maintes fois les promesses formulées devant le Parlement en juillet dernier. Cessez de mentir aux Françaises et aux Français. Cessez de dissimuler vos négociations d'antichambre avec les lambeaux de la droite. Cessez de vous faire dicter votre action politique ou bien alors remaniez le gouvernement. Intégrez LR à votre coalition. Négociations d'antichambre, c'est bien de cela qu'il s'agit. Mercredi qui vient, une commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs, tentera de concilier les points de vue de l'Assemblée et du Sénat. Et le jeudi 16, l'Assemblée doit se prononcer sur le texte qui sortira de cette commission. Au moment où je vous parle, le projet de loi serait adopté de justesse, selon ses propres calculs. Le camp présidentiel disposerait d'une 10aine de voix de plus que la majorité requise. Cette longueur d'avance est insuffisante, car elle peut s'effriter en quelques heures si le mouvement social se durcit. C'est maintenant que tout se joue pour les adversaires de la réforme. Est-ce qu'en 5 jours, les manifestations et les arrêts de travail peuvent faire basculer 10 députés de la coalition présidentielle, Renaissance, Modem, Horizon ou des Républicains? Moi, j'appelle tous les députés, quel que soit le groupe dans lequel ils sont, à regarder ceux qui sont nos mandants, c'est-à-dire ceux que nous représentons, c'est-à-dire le peuple, les électeurs. Et on peut avoir un vote, finalement, qui défait cette loi. C'est aussi une des échéances. Je dis pas que toute la stratégie doit se résumer à ça, mais moi, actuellement, je suis parlementaire. Je dis soutien à l'intersyndicale, soutien à mobilisation, continuons à faire entendre cette protestation qui est une forme de démocratie sociale, hein, mais aussi ce vote de 15 ou 16, là, qui aura lieu, ce vote solennel, peut être l'occasion d'une grande surprise. Le gouvernement n'a pas encore, clairement, une majorité. Pourquoi le gouvernement n'est-il pas assuré d'avoir la majorité sur son texte ? D'abord parce que du côté de LR, l'écrasante majorité des députés sont issus de circonscriptions rurales qui seront durement impactées par la réforme, notamment sur la question des carrières longues. Par réflexe de survie, ces parlementaires ne veulent pas aller contre leurs électeurs. C'est ce qu'a très bien compris Aurélien Pradier, par exemple. Le député du Lot rencontrait ce mercredi Laurent Berger. Un signal d'ouverture en direction de l'opinion et un pied de nez à la direction de son parti. C'est réussi si l'on en juge par la réaction d'Éric Ciotti quand on évoque ce rendez-vous. C'est pas une invitation, en tout cas, du groupe des Républicains de l'Assemblée nationale. Chacun est libre de ses démarches individuelles. Aurélien Pradier est engagé dans une démarche individuelle, très éloignée du collectif que je veux fonder. C'est pour cela que j'ai pris à son égard les décisions que vous connaissez. Le président des LR joue une toute autre carte, celle du faiseur de roi. Sans lui, la Macronie s'effondre. La démonstration en a été donnée mardi à l'Assemblée à l'occasion d'une proposition de loi d'Aurore Berger. Il s'agissait d'assortir les condamnations pour violence conjugale ou intrafamiliale d'une peine d'inéligibilité. Est-ce que, oui ou non, des citoyens condamnés pour des faits de violence conjugale peuvent se présenter devant les suffrages des Français? Oui ou non? Est-ce que des citoyens qui ont frappé leurs enfants sont dignes demain de se présenter devant les suffrages des élus? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? 30 des 34 députés LR présents ont voté contre le texte alors qu'il y a quelques jours, le groupe assurait qu'il ne ferait pas obstacle à son adoption. Mais dans l'intervalle, il y a eu l'incident avec Éric Dupond-Moretti, l'homme qui distribue des bras d'honneur comme d'autres envoient compulsivement des messages sur WhatsApp ou Telegram. Sauf que là, le ministre Sémaphore s'adressait à Olivier Marleix, le patron des députés LR. De quoi vous parlez exactement? Vous avez fait deux bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée? Alors oui, je vous demande effectivement de préciser vos propos, parce que si c'est le cas, ça n'est absolument pas admissible. Alors je vous laisse finir vos propos. Vous n'avez pas à faire des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre. J'ai dit madame. Alors finissez vos propos, qu'on comprenne ce que vous dites. Je tiens à dire qu'il y avait autour des gestes qui me sont reprochés des paroles qui tendaient non pas à viser le président Marleix, mais à viser le mépris, c'est comme ça que je l'ai conçu, qu'il avait pour le respect de ma présomption d'innocence. Du coup, le groupe parlementaire LR a décidé de flinguer Aurore Berger par mesure de rétorsion. Disons que nous étions très peu enclins à soutenir ce texte, c'était la position du groupe, mais l'attitude qu'a eue le garde des Sceaux a naturellement renforcé notre détermination à ne pas soutenir un texte qui était un texte de communication politique, qui ne faisait pas avancer le droit, mais qui avait pour objectif d'être une lance politique contre des adversaires. On n'utilise pas la loi à des fins politiciennes. Mais les LR n'ont pas été les seuls à faire défaut. Une vingtaine de députés Modem ont voté contre la proposition de loi d'Aurore Berger. Quant aux députés d'Horizon, ils avaient piscine pour la plupart. Sur les 6 présents, 5 ont voté contre le texte. Là encore, il s'agit d'une mesure de rétorsion. Les amis d'Édouard Philippe n'ont toujours pas digéré d'avoir été contraints de retirer, jeudi de la semaine dernière, une proposition de loi instaurant des peines planchers pour les délits commis contre des agents publics. Renaissance et le Modem ont en effet voté contre l'article 1, entraînant le retrait du texte. La coalition présidentielle se disloque. Chacun a bien conscience que dans 4 ans, Emmanuel Macron aura quitté le pouvoir. La campagne présidentielle pour 2027 commence maintenant. Le Modem et Horizon cherchent à se démarquer de la tutelle macroniste. La situation n'est pas meilleure à l'intérieur de Renaissance. Mardi, en réunion de groupe, Aurore Berger a prévenu ses collègues que ceux d'entre eux qui s'abstiendraient ou voteraient contre le projet de loi sur les retraites seraient exclus. Ce qui, à contrario, revient à reconnaître qu'il y aura des défections. Au moins celle de Barbara Pompili, ancienne ministre de la Transition écologique de Jean Castex, et peut-être certains élus du petit courant écologiste qu'elle anime au sein de Renaissance. Bref, rien n'est certain. Comme dans les meilleurs polars, ça va se jouer dans les 5 dernières minutes. Bien sûr, si Elisabeth Borne a des doutes sur sa majorité, elle peut recourir à l'article 49.3, celui qui permet au gouvernement d'engager sa responsabilité pour faire adopter un texte sans vote. 49.3, c'est un outil qui est entre les mains du gouvernement, c'est pas un outil qui est entre les mains de l'opposition. Nous avons exprimé, en tout cas, le parti, les sénateurs en ce moment, une expression, une volonté, dans la cohérence et la responsabilité, c'est de soutenir une réforme nécessaire après qu'elle ait été amendée avec des points importants que nous avons d'ores et déjà obtenus et sur lesquels le Sénat continue avec beaucoup d'efficacité et je salue son engagement à travailler. Je traduis les propos du président des Républicains. En substance, il dit à la Première ministre « Ne nous faites pas ce coup-là ». Eh oui, en cas de 49.3, la Première ministre peut remanier à son avantage le texte du projet de loi et revenir sur les concessions faites à la droite. C'est ballot, hein? Mais politiquement, Elisabeth Borne peut-elle prendre le risque de contourner l'Assemblée nationale sur un texte aussi important? Je ne crois pas qu'on puisse adopter une réforme qui n'aurait pas de majorité dans la rue, qui n'aurait pas de majorité syndicale, qui n'aurait pas de majorité parlementaire, de cette manière-là et qui engage la vie de dizaines de millions de Français pour des générations et des générations. Ce serait une mauvaise manière faite aux Français, une mauvaise manière faite à la démocratie. Et il faut bien avoir conscience de cela. Au-delà de la réforme des retraites, il y a quelque chose de plus profond qui se joue. La France souffre et le mal qui la ronge, c'est l'injustice. Et confusément, ceux qu'on a applaudis à 20h, bon, finalement pas si confusément que ça, sentent que c'est eux qui passent à la caisse du quoi qu'il en coûte. Le Rassemblement national, lui, est déjà en embuscade. Écoutez Laurent Jacobelli évoquer l'hypothèse du recours au 49-3. Nous envisageons une motion de censure, si tel est le cas, que ce soit la nôtre ou celle d'autres que nous voterons. Mais moi, j'appellerai à la responsabilité tous les députés qui sont vent debout contre cette réforme, et notamment ceux qui sont à l'extrême-gauche de l'hémicycle. Ils ont refusé une première fois une motion de rejet. Ils ont refusé ensuite une motion référendaire. Bref, depuis le début, ils se comportent comme s'ils étaient les factotums du gouvernement. Il va falloir maintenant qu'ils décident ce qu'ils font à l'Assemblée et qu'ils votent, quitte à mélanger leur voix à celle d'autres groupes d'opposition. Nous disons aux Républicains, n'écoutez pas les consignes d'un état-major qui n'a plus de boussole et qui essaye de sauver sa peau. Écoutez vos convictions, écoutez vos électeurs. Votez contre cette réforme. Et je sais que beaucoup de Républicains ne veulent pas de cette réforme et qu'ils n'obéiront pas aux diktats de leur état-major qui ont probablement en tête autre chose que l'intérêt général. Un discours qui fait mouche dans l'opinion si l'on en croit les sondages. Absent dans la rue, silencieux dans les débats, le RN incarnerait mieux l'opposition à la réforme que la NUPES. À force de jouer avec les institutions pour imposer une réforme dont les Français ne veulent pas, l'exécutif n'est parvenu qu'à faire grimper ceux qu'il prétend combattre. Ce n'est pas le moindre paradoxe de la séquence. Ce n'est pas la moindre faute d'Emmanuel Macron. Merci d'avoir regardé cette chronique. Si vous l'avez appréciée, partagez-la. Un pouce, un abonnement à la chaîne, et nous serons presque au comble du bonheur. Je dis presque parce que vous pouvez encore nous soutenir financièrement. C'est par là que ça se passe. Vous nous aiderez ainsi à continuer de vous informer en toute indépendance. Merci à tous ceux qui déjà nous accompagnent mois après mois. Sans vous, rien ne serait possible. Je vous dis à lundi pour un nouveau numéro de Pôle Express. Le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrote, on vous étripe au Chili. On a beau me dire qu'en France, on peut dormir à l'abri. Des Pinochets en puissance travaillent aussi du képi. Quand un Pinochet rapplique, c'est toujours en général. Pour sauver la République, pour sauver l'ordre moral. On sait comment ils opèrent pour transformer les esprits. Les citoyens bien pépères en citoyens verts de gris. À coups d'interrogatoires, de carottes et de bâtons, de plongeons dans la baignoire, de gégène et de tison. Il se peut qu'on vous disloque et qu'on vous passe à tabac. On vous suicide en loose doc au fond d'un commissariat. Il se peut qu'on me fusille pour avoir donné du feu, pour avoir joué aux billes avec un petit hébreu. On va t'écraser, punaise, pour avoir donné du pain, pour avoir donné du pèse aux petits nord-africains. Il se pourrait qu'on m'accuse avec un petit gourdin d'avoir étudié Marcuse, d'avoir été sartrien. Ils auront les électrodes, ils diront: tu veux du jus pour connaître la période où j'étais au PSU. À moins qu'il me ratatine pour mon immoralité, pour avoir baisé Delphine, pour avoir été pédé, à moins qu'il ne me condamne à mourir écartelé entre l'amour de Roxane et celui du beau Dédé. Il se peut qu'on me douillette pour que je veuille attester. En 1967, je lisais l'Humanité. Il se peut qu'on me tourmente et qu'on me fasse avouer que dans les années 60, j'étais à la CGT. À moins qu'il me guillotine pour avoir osé chanter les marais du Potemkin et les camps de déportés. À moins qu'avec un hachoir, il me coupe les dix doigts pour m'apprendre la guitare comme ils ont fait à Hara. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrote, on vous étriffe au Chili. Il ne faut plus dire qu'en France, on peut dormir à l'abri des Pinochets. En puissance travaille aussi du dépit, travaille aussi du képi. Je vais maintenant passer la parole à Frédéric Lordon, qui est philosophe, mais qui est aussi un compagnon de toutes les luttes, à commencer par celle contre la loi travail en 2016, qui a été le soutien de nombreuses grèves et de nombreux mouvements, et qu'on est très très très heureux de pouvoir compter parmi nous ce soir. Je voudrais d'abord vous dire que je suis très fier d'intervenir auprès des personnes qui ont pris la parole ce soir. Premier temps, je pense que vous devez être assez nombreux à connaître ces citations, mais je les rappelle quand même. Il a d'abord dit « Est-ce qu'il faut faire reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ? Je ne crois pas. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ça serait hypocrite. » Puis il a dit « La réforme des retraites est indispensable, elle est vitale. » Il a d'abord dit « Nombre de nos compatriotes ont voté pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à l'extrême droite. J'ai conscience que ce vote m'oblige à l'avenir. » Puis il a dit « On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu d'élection il y a quelques mois. C'est une réforme qui a été démocratiquement validée. » Et enfin, sans hésiter, « C'est ma marque de fabrique, j'ai toujours dit la vérité aux gens. » Bon, vous avez compris qu'il ne s'agit pas tant de constituer une archive, il s'agit plutôt de dresser un portrait. Car il est important de savoir à qui on a affaire. Nous avons affaire à un individu pour qui les mots n'ont aucune signification et aucune valeur, sinon une valeur de plaisir quand il les fait sortir de sa bouche. Nous avons affaire à un individu qui a détruit le sens des mots, donc la condition de possibilité de toute discussion, et avec lequel, par conséquent, l'idée même de faire entendre quoi que ce soit, l'idée même du débat, est une pure et simple absurdité. Nous avons affaire à un forcené. Le forcené est retranché dans les institutions de la Cinquième, depuis lesquelles il peut faire ce qu'il veut, et n'hésitera pas à aller au bout de sa folie. Inutile d'imaginer que des manifestations République-Nation pourraient lui tirer le moindre battement de cils. Serions-nous 5 millions dans les rues, il continuerait droit devant lui, le regard halluciné. Nous avons affaire à un forcené, et un forcené, ça se déloge. Au minimum, ça se débranche. Oh, avez gardé souvenir d'une version qui était Emmanuel Macron aux têtes de con. Mais ça marche aussi. Deuxième temps. Bruno Le Maire dit « Ce n'est pas la CGT qui décide en France. » Un tweetos à visée complète, tout le monde sait que c'est le patronat. Des vérités premières, mais toujours bonnes à rappeler. Dans l'état du capital, c'est le capital en dernier ressort qui a barre sur l'état. Troisième temps, synthèse des deux précédents. Nous savons désormais par déduction logique pourquoi il n'y a pas d'autre voie stratégique que le blocage. Il faut bloquer tout, il faut bloquer partout, il faut mettre l'économie à genoux. Que l'économie soit à genoux, d'une certaine manière, le forcené s'en fout, premier temps. Mais quand l'économie entière est à genoux, c'est le capital qui est à genoux. Si le forcené s'en fout, le capital, lui, ne s'en fout pas. Or, deuxième temps, c'est lui qui a barre sur l'État. Paradoxalement, il n'est pas mal placé pour débrancher le forcené. En 2019, pendant les Gilets jaunes, honneur aux Gilets jaunes, ce sont les patrons terrorisés qui appellent l'Élysée pour que ça s'arrête. Il n'en ira pas différemment aujourd'hui. En dépit de ses déclarations de soutien obligées, le MEDEF n'était pas spécialement demandeur de cette réforme, dont les justifications successives, chaotiques et tout également foireuses, traduisent qu'elle n'a pas d'autre intérêt que de permettre aux forcenés d'affirmer son autorité, et ceci quel qu'en soit le coût. Ce coût, le MEDEF, lui, sera bien placé pour le mesurer quand tout sera à l'arrêt. Il faut donc lui rendre ce coût intolérable. Alors, comme toujours dans les grandes occasions, il décrochera son téléphone et commandera qu'on arrête les conneries. Plus encore, de peur que l'incendie ne se propage hors de contrôle et qu'avec les retraites, on se mette à discuter de toutes les autres choses. Quatrième temps. Et comme ça se trouve, des autres choses à discuter, c'est pas ça qui manque. Il y en a même un paquet. C'est pourquoi il est hors de question de s'en tenir aux seules retraites. En réalité, c'est tout le paquet qu'il est l'heure de faire descendre dans la rue. Ce pays est recru d'inégalités, d'injustices, de souffrances, de toutes les violences qu'il a subies depuis 30 ans, mais singulièrement depuis 2017, de tous les saccages qui lui ont été infligés, saccage du travail, saccage des services publics, saccage des libertés politiques. Il est recru de l'arrogance, du mépris, de la médiocrité et de la bêtise crasse de ses dirigeants. Bref, il est mûr. Je dirais même, il y a point. Car il est une chose, à coup sûr, dont il n'est pas recru. Cette fatigue, on n'est pas fatigué. Il est une chose à coup sûr qui ne lui fait pas défaut, c'est la colère, et puis la combativité. La combativité pour aller où? Réglons-nous sur Bruno Le Maire, la boussole qui indique le sud, donc prenons la direction opposée. Ce n'est pas la CGT qui décide, dit Bruno à propos des électriciens Robin des Bois. Certes, ce n'est pas la CGT, mais ce sont les travailleurs. Les laquais de la presse dînatoire ne cessent de répéter que nous n'avons rien à proposer, que nous ne savons pas ce que nous voulons, mais nous savons très bien. Nous voulons que les travailleurs décident. Dans des conditions d'adversité inouïes, ce sont les soignants pendant le premier confinement qui ont réorganisé eux-mêmes les soins. Tous les managers parasites étaient terrés chez eux. Imaginez maintenant les profs organisant eux-mêmes l'enseignement sans les managers parasites du ministère. Les ouvriers organisant la production sans les managers parasites des actionnaires. Organisant les transports sans les managers parasites de la SNCF, etc., etc. Nous voulons que les travailleurs décident pour cette simple et bonne raison que eux font le travail et qu'ils savent faire le travail et que tous ceux qui ne savent pas le faire mais viennent quand même leur imposer comment le faire sont des managers, c'est-à-dire des parasites, des emmerdeurs. Alors, je le dis, parce que quand il s'en est pris aux non-vaccinés, Macron a sans doute livré la vérité de son projet de société. Gaver les riches, ça on le savait, et emmerder les autres, là c'est devenu clair. Il ne faut pas s'y tromper. Du moment où notre ligne sera perçue comme telle, du moment où l'affrontement commencera avec les moyens que l'affrontement requerra, toute la presse bourgeoise se déchaînera à nouveau. Pour l'heure, elle tolère à peu près que nous marchions à 2 millions dans les rues, pourvu que ce soit bien gentiment et qu'il n'en soit tenu aucun compte. Mais il n'est pas de lutte sociale qui ne soit une lutte contre la bourgeoisie, et à peu de choses près, la presse n'est pas autre chose que l'organe parfois inconscient de la bourgeoisie. Par conséquent, une lutte sociale prend nécessairement le caractère secondaire d'une lutte contre la presse bourgeoise. Dès qu'une lutte de cette sorte produit le moindre inconfort pour la bourgeoisie, la presse bourgeoise se jette de toutes ses forces dans le conflit. Nous savons d'avance ce qu'elle dira. Elle est d'une stéréotypie navrante. Nous y sommes tout à fait prêts. Et cette fois-ci, c'est nous qui n'en tiendrons pas compte. Car ça fait trop longtemps que ça dure. Les ardoises de l'injustice et de la violence sociale arrivent à échéance. C'est l'heure des comptes. Maintenant, il va falloir payer. Et il va falloir payer pour tout. Les retraites ne sont qu'une occasion de présenter l'addition. Et l'addition est longue comme le bras. Dans une indiscrétion à la presse, un sbire de La République En Marche balance. Si Macron renonce à sa réforme, il est fichu. Il a tellement répété que c'était un marqueur de son quinquennat, autant se retirer au Touquet. Enfin, une parole de vérité. Enfin, une parole de bon sens. Tu nous as trop fait chier, Macron, puisque c'est comme ça que tu parles. C'est comme ça que tu nous parles. C'est comme ça que Darmanin nous parle. Alors on va te parler comme ça. Tu nous as trop fait chier. Le service outrageant des riches a fait de toi un bouffon haïssable. Tu t'es assis deux fois sur les circonstances exceptionnelles de ton élection. Tu n'as aucun consentement majoritaire sinon contre toi. Tu n'as aucune légitimité. Tu envisages l'âme claire de dissoudre et de livrer le pouvoir au Rassemblement national. Tu es un danger public. Nous connaissons notre objectif. Te rappeler au Touquet. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour. jour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant. Continuons un tel débordement, elle manquera. Ça, c'est un lanceur d'alerte avec un pull rouge pour qu'on le voit bien. Il est passé totalement à côté du radar d'Emmanuel Macron. C'est stupéfiant. Et puis regardez aussi, alors vraiment, on n'avait qu'à l'embarras du choix, ce rapport de l'ONU 1995. D'ici 25 ans, les plages situées sur la côte est des États-Unis pourraient bien s'amoindrir. Quant au niveau des mers du globe, il pourrait augmenter de 46 cm d'ici 2100. Et tout cela à cause des activités humaines. Si la tendance actuelle se poursuit, les simulations calculées par les ordinateurs s'avéreraient exactes et les effets de cette hausse du climat se feraient alors sentir très vite. Comment le président de la République a-t-il pu vivre cette phrase? Comment son entourage lui a laissé dur? C'est pas un discours qu'il a écrit tout seul. Ils sont fatigués à l'Élysée en ce début d'année. Jean-Pierre, commentaire? Ben, commentaire, c'est un peu vrai. Enfin, je veux dire, faut pas se cacher. Parce que la phrase, la première partie sur l'inflation. L'inflation. Bon. Ça allait. Encore là, qu'il y a beaucoup de gens qui ont prédit l'inflation. Depuis 2021, il y a beaucoup de gens qui disent l'inflation, l'inflation, l'inflation. De toute façon, la guerre climatique est une guerre et toutes les guerres, on les finance avec l'inflation. On a en 1914, c'était en 1939. Bon, ça va pas se renouveler. En plus, il y a évidemment l'Ukraine. Non, mais je veux dire, ça montre bien que la phrase pourrait être maladroite. Mais surtout que dans ces grands corps, c'est pas le quotidien, je veux dire, de la réflexion. Ils font un effort. Alors, ils font des choses, mais je pense que... Oui, non, mais c'est pour ça qu'il y a un décalage. Mais ce qui manque, c'est le récit. Ce qui manque, c'est l'épopée. On est en train de vivre une épopée pour survivre, pour nos enfants, etc. Et c'est important d'en faire un récit. Souvent, on me dit, tu es trop optimiste. Quand, par exemple, je dis, le climat se déplace, mais au fond, dans la prochaine génération, c'est vivable. Mais justement, il faut dire ça aux gens et se protéger, mettre des arbres, réduire les rues et tout, pour que les gens mènent le combat, parce qu'après on va gagner la guerre climatique. Mais si tout le monde se cache sous la table, quand 37% des jeunes filles diplômées disent qu'elles ne feront pas d'enfants, mais on va où là? Je veux dire, si à un moment il n'y a pas de désir de vie, il n'y aura pas de désir de combat. On a bien vu avec les Ukrainiens, on n'y croyait pas qu'ils allaient se battre comme ça. Et du coup, pof, ça démarre. Il faut la même chose. La nature sauvage, ça n'existe pas au fond. Il y a quelques années, vous aviez publié un livre sur la beauté de la nature. Là, vous publiez Au cœur de la nature blessée. Elle a toujours été transformée par l'homme, Alexandre Lacroix. Oui, il y a un calcul un peu saisissant comme ça qui a été fait par l'Institut des sciences de Weizmann des sciences à Tel Aviv, qui a montré que vers 2020, la matière manufacturée, c'est-à-dire les constructions, les buildings, les voitures, pèse désormais plus que la matière vivante sur Terre. Ça veut dire que dans tous les environnements où nous marchons, nous nous promenons, il y a toujours un pylône, un silo, une usine, une autoroute, une résidence. D'ailleurs, vous racontez une expérience qu'on a tous pu faire quand on prend une photo, quand on se balade en forêt. Pour Instagram. C'est le point de départ, c'est le point de départ de mon livre. C'est cette expérience où il y a un pylône qui nous gêne. Alors, on cadre la photo de telle manière que le pylône n'apparaisse pas. Puis ensuite, on partage sur Instagram, on envoie à des amis cette photo. Le paysage était magnifique. Mais quand on fait ça, si on y réfléchit un petit peu, on truque, c'est-à-dire c'est de la propagande comme à la grande époque soviétique, c'est-à-dire on truque les représentations de la nature qu'on met en circulation. Vous avez une nature magnifique sur l'écran de veille de votre ordinateur, probablement. Ouais. Vous avez des posters, vous avez des cartes postales. Mmh. On remplit nos bibliothèques de livres naturalistes qui nous parlent d'aller vivre au bord d'un lac en Sibérie ou de partir pister la panthère des neiges. Mais en fantasmant des rapports avec une nature mythique, intacte, qui n'existe plus, en fantasmant là-dessus, eh bien, en fait, on est dans une inertie complète, puisqu'on ne regarde pas l'environnement où qu'on habite pour de bon. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, il parle de l'humanité comme d'une arme de destruction massive contre les vivants. L'expression est extrêmement forte. Alors, vous la partagez? Non. Non. Je pense qu'elle est... Je vais peut-être être un peu radicale. Je crois qu'elle mène à une impasse. C'est-à-dire que essayer de réparer la vie, c'est-à-dire la mer, la terre, en arrêtant l'histoire, c'est-à-dire en arrêtant l'homme comme étant un faiseur d'histoire, un bâtisseur de monde, c'est impossible. Je pense qu'on ne va pas sauver la planète et les humains sur la planète contre l'homme lui-même. Donc dire que l'homme, mettre hors jeu l'homme d'une certaine façon, je pense que ça mène à une impasse. Et souligner la primauté du vivant peut aussi être une impasse. Moi, je plaide pour un vivant très étendu. Dans ce vivant, il y a des œuvres de culture, il y a les tournesols de Van Gogh, tout autant que les mers qui sont saccagées. Il y a les morts aussi, il y a les vivants, il y a la mémoire, et il y a aussi nos iPhones. Parce que ça fait partie aussi du monde. Moi, je préfère le terme de monde, qui implique justement de dépasser des intérêts nationaux pour penser aux intérêts du monde, contre la guerre et pour sauver aussi les mers. Je préfère le terme de monde que le terme de vivant. Moi, je suis d'accord que c'est une erreur. Ah oui ? Il dit ça, oui. Il dit ça parce que c'est la COP sur la biodiversité. Il y a eu la COP sur le climat, et là, les humains commencent à être motivés, commencent à sentir le réchauffement climatique, oui, la prise de conscience. Les humains n'ont toujours pas compris que pourquoi les autres vivants leur sont nécessaires aussi à eux. C'est d'abord que la biodiversité est un bien en soi, parce que c'est, la vie s'est construite comme ça. Mais effectivement, il y a une solidarité de tous les vivants qui, même utilitairement, les biologistes le disent, hein, même utilitairement pour nous, humains, vivants humains, la préservation de cette biodiversité est une condition de la santé globale, de la santé des humains eux-mêmes. Et donc c'est pour ça qu'il dit des choses comme ça, parce qu'il faut, forcer les gens, comme si là, aujourd'hui, il fallait être excessif. Oui. Pour être entendu. On dit l'humanité est une arme de destruction massive, comme si ça allait faire prendre conscience aux humains. Je crois que c'est une erreur, parce que c'est pas en culpabilisant, c'est pas en généralisant. Les humains sont aussi ceux qui vont avoir à préserver le monde commun. Mais on comprend d'où ça vient. Il y a encore une inconscience sur certains sujets. Le déni est toujours là. Les excès viennent toujours du déni. S'il y a des gens qui, voilà, qui ont des mouvements violents sur le climat, c'est inadmissible à mes yeux, mais malgré tout, ça répond d'abord à cette persistance du déni. Donc, il devrait mettre effectivement, tout le monde devrait prendre conscience des enjeux. Quand on vous dit « don't look up », Parce que précisément, il faut lutter contre les manipulateurs du déni, les inflammateurs du déni. Moi, pendant la pandémie, je parlais même de pan-déni. Oui. Il y a aujourd'hui des gens qui dénient tout parce qu'ils ont peur, parce que le mal, justement, ne veut pas le voir. En revanche, là où il a raison, c'est que je pense qu'on continue à considérer la Terre, moi, encore... Ce qui m'intéresse encore plus, c'est la mer. C'est la mer, vous venez d'éclairer sur le sujet. Je crois qu'on continue à considérer que c'est à personne, c'est à tout le monde donc à personne, et on traite la terre et la mer comme des toilettes publiques. Là, il a raison. C'est-à-dire que tant qu'on ne considérera pas que cette terre est en fait finie, je crois qu'il faut qu'on passe de l'univers infini, l'infinité des ressources, l'indéfini, à un monde fini. Tant qu'on ne considérera pas que c'est fini et que c'est chez nous, c'est là où on habite, c'est notre salon, on continuera, parce que je le vois. C'est fini, mais c'est pas terminé. Vous interrogez notamment sur la démocratie, la vie démocratique, et c'est l'un des enjeux sur lequel revenait le président de la République dans ses vœux. Oui, une vie démocratique qui a été critiquée ces dernières années par les Gilets jaunes, peut-être encore aujourd'hui, hein, les Gilets jaunes sont descendus dans la rue, par certains responsables politiques également. Emmanuel Macron en a parlé donc de cette vie démocratique lors de ses vœux, notamment de l'unité de la nation. La confiance dans la vitalité de notre vie démocratique s'est elle aussi émoussée. Nous le savons, dans les mois qui viennent, beaucoup à faire. Je ne perds jamais de vue cet impératif d'unité de la nation que nous formons tous ensemble. Il nous faut pour cela rester unis, mais aussi maintenir une ambition collective intacte. Une ambition pour continuer de transformer notre pays face au corporatisme et face à toutes les bonnes raisons de faire comme avant, ou à la tentation de l'esprit de défaite. Comment rester unis, j'en viens, comment partager un idéal politique commun? Je pense juste une chose, les jeunes et la politique. Bon. La présidentielle, ils sont 64% à voter pour la présidentielle, 34% législative, 10 ou 20% au local. Est-ce qu'on a modifié le système électoral? Non. Les gens ont dit quelque chose. Votre système local, c'est un bordel qui ne nous intéresse pas. Est-ce qu'ils ont tort? Pas forcément. On a empilé les machins, les communes, les communautés de communes, les métropoles, etc. Personne ne comprend plus rien. Ils disent, ça ne m'intéresse pas. Mais est-ce qu'on écoute ce différentiel de vote? Non. Alors qu'à mon avis, c'est la base d'une politique. La présidentielle, ça marche bien. Les législatives, ils ça marche bien. De moins en moins bien. Non, mais il y a 64% des jeunes qui sont allés voter, si vous voulez. Donc ça marche moins bien qu'avant. Après, il y a une autre question. C'est qu'on a une société qui sort de ces cadres institutionnels. Moi, je prends toujours la comparaison entre l'abstention et les bébés en mariage. Vous me direz que ça n'a rien à voir. Oui, expliquez-nous ça. Mais si, 63% des enfants naissent en mariage aujourd'hui. En 68, c'était 6%. Donc on est sorti du cadre du mariage. Donc la vie privée a pris son autonomie de l'institution. Et au fond, la démocratie, c'est la même chose. Je veux dire, allez voter, on y va quand on a envie. si ça nous intéresse, sinon on n'y va pas. Donc si on faisait des élections, des votes sur des sujets, des référendums, peut-être que les gens iraient. Mais là, en gros, ils vous disent quelque chose. Votre système nous ennuie. L'économie, c'est une convention. L'économie tient par la confiance, on apprend ça dans les premiers cours d'économie qu'on fait dans toute école d'économie. À l'inverse, il y a une réalité avec laquelle on ne peut pas négocier. Il y a des limites physiques, biologiques, chimiques, les fameuses limites planétaires, on en a 9, on en a déjà dépassé 6. Ça, l'appareil de production est en train de compromettre les conditions de vie sur Terre. Ça devrait être la priorité absolue. On devrait uniquement se concentrer sur ça. On devrait prendre toutes les décisions, pour moi, politiques, à travers ces deux prismes. C'est cette réalité-ci. Et le deuxième, c'est la démocratie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ensemble, on a envie, comment est-ce qu'on a envie d'habiter le monde? Quel horizon, à quelle fin on organise tout ce qu'on fait, tout ce qu'on décide, tout ce qu'on produit? On peut s'accuser tous collectivement, parce que sur le constat, vous avez raison, ce sont les constats qui sont faits sur la biodiversité, sur le réchauffement climatique. Ce sont des dangers de mort pour l'humanité à terme. Ça, c'est une certitude. Le sujet, c'est les vraies victimes du réchauffement climatique, parce que nous allons tous en être victimes d'une manière générale, les jeunes un peu plus que les autres, mais dans le monde entier. Or, ce qui nous différencie du reste du monde, c'est que nous sommes riches. Vous comme moi, vous avez un iPhone comme moi, donc nous sommes riches. Si vous allez à Kigali, au Rwanda, si vous allez à Dhaka, au Bangladesh, et que vous dites, non mais il faut arrêter le travail, il faut arrêter la croissance, vous allez être très très mal reçu. Extrêmement mal reçu, ce qui est normal. Juste une question pour vous, pardon. Et donc qui, en effet, pourquoi est-ce qu'ils sont les premières victimes du dérèglement climatique? Parce qu'ils n'ont pas profité de la croissance comme vous et moi. Parce que nous sommes les émetteurs. Parce que notre système de production et tout ce qu'on a travaillé durement, hein, ce capitalisme pour lequel on a trimé, il a détruit les conditions de vie sur Terre, d'abord pour les personnes les plus précaires, qui, vous l'avez raison, sont en première ligne des inondations au Pakistan, qui sont en première ligne des incendies, qui déjà aujourd'hui vivent des sécheresses. Mais c'est parce que nous, historiquement... Et qui voudra un iPhone comme vous? Je vis dans le monde à peu près comme tout le monde, et c'est précisément parce que je vis dans le monde et que ça m'indigne que pour produire ça, il faille précisément qu'on ait des mines soit dans les fonds marins pour lesquels je me bats, soit des mines ailleurs, que j'ai envie d'en changer les règles. Vous voyez, on joue tous ce grand jeu-là. Mais donc vous avez le droit d'en avoir un, mais pas eux. Et décider de les changer. Mais donc vous avez le droit d'avoir un iPhone, mais pas ce que je dis, je vous parle de réforme des retraites, pas du fait qu'on n'ait pas le droit d'avoir d'iPhone. Non, mais ce que je veux dire, c'est sur la croissance, sur la valeur travail, etc. Ce sont des gens qui veulent travailler, qui veulent gagner plus d'argent. Et c'est légitime. Et puis il y a de l'autre côté la question du climat. Je pense qu'on veut pouvoir être heureux, avoir accès à de la santé, avoir accès à un air pur. C'est vraiment la question du sens, pour moi, on l'oublie, mais elle est fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on travaille aujourd'hui? Mais c'est payer des factures. Qui a la réponse? Parce que vous posez une question, évidemment. C'est une question qu'on peut tous se poser. Pourquoi travailler alors qu'on va mourir? On doit pouvoir utiliser autrement, de manière beaucoup plus agréable, notre temps. Mais nous n'avons pas trouvé une autre manière à la fois de dissiper notre angoisse métaphysique que le travail, et nous n'avons pas trouvé non plus autre chose que le travail pour financer des choses auxquelles nous tenons, qui ne sont pas des choses toujours matérielles, par exemple pour financer l'effort de recherche pour la médecine, l'effort éducatif pour les enfants, tout ça, c'est une convention, vous avez raison, tout ça, ça coûte de l'argent. Quelle est votre convention alternative? Ça, remettre en cause la convention actuelle est une bonne chose, une très bonne question, la convention alternative est difficile à définir. Et bien justement, ce que je rêve, c'est qu'on pose cette question-là, c'est que ce débat sur les retraites soit le moment où on se dise quelle société on décide. Et là-dessus, André Gorz sur la civilisation de te retrouver est génial quand on le lit. Et il pose cette question, vous voyez, moi je parlais avec des raffineurs de Grand Puy de Total. Et en fait, ils disaient qu'ils pourraient mettre justement leur force de production au service de faire des hauts fourneaux. De la même manière que dans la métallurgie, de la même manière que les ingénieurs qui sont à Toulouse et qui aujourd'hui travaillent dans les pales d'avions, eh ben, pourraient mettre tout leur savoir productif, tout l'appareil productif au service de faire des pales d'éoliennes. Et qui le sait ça? Ce sont les travailleurs qui eux-mêmes connaissent mieux que personne comment est-ce qu'on pourrait orienter les forces productives. Mais ça, c'est toujours du travail. Au service. C'est toujours du travail. Et simplement, on ne pense même pas cette question-là. Il faut trouver une manière de monétiser le travail. Le travail, pardon. Vous ne changez pas fondamentalement la situation. Vous pouvez l'orienter dans un sens écologique, c'est ce que vous dites, d'accord. Mais la question métaphysique que vous posez, à quoi sert le travail? Le travail, il est inévitable. Les politiques travaillent avec l'opinion publique. Et l'opinion publique a basculé pendant la pandémie. C'est-à-dire, quand on regarde les études, on voit très bien que le premier sujet, c'est la fin du mois, ben c'est normal, on a ses enfants. Et puis le deuxième sujet, maintenant, c'est le climat. Le climat et la biodiversité. Alors qu'avant, le deuxième sujet, c'était l'immigration, le chômage, etc. Mais l'opinion publique a basculé. Mais souvent, les politiques, ils sont derrière l'opinion. Ils ont du retard. Et ils ont du retard. Parce qu'ils ont été formés autre chose, parce qu'ils ont leur réseau, etc. Alors, en ce moment, l'opinion publique est en avance sur les politiques. Et je pense qu'il faut profiter de cette opportunité pour mener cette guerre. Emmanuel Macron qui disait, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Il dit pas que des bêtises. C'est dur d'avoir 20 ans en 2023. C'est dur d'avoir 20 ans dans un monde qui s'effrite, évidemment, mais c'est pas parce que c'est dur qu'il ne faut pas se battre pour le faire. Et je crois que cette jeunesse, je la trouve extrêmement courageuse. Elle était là dans la rue à retrouver ce qu'on vous disait avec amusement au début, un peu de solidarité pour les vieux qu'on aime, les vieux qu'on sera. Et ça, je trouve ça profondément beau. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir de savoir qu'on est capable de faire ce que ne fait pas ce gouvernement, c'est-à-dire de penser le temps long. On a beaucoup parlé de l'atomisation de la société, de l'archipel français. Vous êtes l'inventeur de l'expression « la société d'archipel », de cette société où des groupes se juxtaposent les uns à côté des autres. On a le sentiment aujourd'hui que ce qui nous divise est plus fort que ce qui nous rassemble. Oui, mais je ne suis pas convaincu de ça. Vous savez, moi, j'ai fait mes études dans les quartiers nord de Marseille. J'ai été élu à Marseille, donc j'ai bien connu, je fréquente ce monde-là. C'est bon, je sais pas sûr que ça soit aussi vrai. Les archipels, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que les trajets de vie, c'était tellement complexifié que quand vous demandez à quelqu'un quel est son territoire de référence, presque il en a qu'un. En prendrez-vous et moi, on n'a pas du tout le même, même si on a des tas d'endroits en commun, sans doute. Je ne sais pas, enfin bon. Et donc, c'est ça que je pensais dans l'archipélisation, dans le fait qu'effectivement, 30% des coupes sont recomposées, que nos vies sont de ces immenses territoires-là, et que donc, le sentiment d'appartenance aux classes sociales qui a été construit après la révolution industrielle, puisqu'avant on appartenait surtout à des ordres religieux, des corporations, etc. Moi, je pense que ce sentiment-là s'est défait. Parce qu'effectivement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'ouvriers, qu'il n'y a plus de riches et de pauvres, évidemment. Mais ça veut pas, le mouvement, ce n'est plus ces grands systèmes d'appartenance. Au fond, on était pauvres, mais ensemble. Une grande manifestation, on était 3 millions, c'était extraordinaire, quoi. Il y avait une chaleur, il y avait un plaisir, il y avait tout le jeu, la drague aussi, tout ça. Enfin, c'était un truc absolument extraordinaire. Ça, ça a disparu. Donc, on est sur des sociétés, mais est-ce qu'elles se défait tant que ça? Sur quoi on s'appuie pour dire ça? Tout le monde a l'air de considérer que tout va mal. Je ne suis pas sûr. J'en ai pas l'évidence absolue. Le départ en vacances, c'est pas mauvais. Les écoles. Après, nos institutions se sont toutes un peu bloquées. On a voulu démocratiser l'école en centre collège unique. On se rend compte que ça a des conséquences finalement négatives parce que des fois on cache peut-être un peu des réalités. Donc il faut reprendre. Et c'est le propre d'une société. Ce discours que tout se défait, c'est compliqué. On a toujours eu des différences. Il y a toujours eu des communautés qui étaient périphériques. C'est pas toujours les mêmes. Il y a en plus la mémoire coloniale qui crée un problème particulier. Il y a l'islamisme qui fait monter un irrédentisme politique. Enfin, une extrême droite, on peut dire les choses comme elles sont, pour le dire dans le langage de la société générale. Donc il y a des extrêmes droites qui montent, etc. Tout ça est vrai. Mais la société en elle-même, moi je ne suis pas aussi convaincu que ça, qu'elle n'a plus de cohésion sociale, de cohérence. Et c'est là où l'Ukraine est intéressante. Oui, on va y venir, justement. Voilà, parce que l'Ukraine nous montre que des gens qu'on pensait qu'ils allaient disparaître en 8 jours, eh ben c'est eux qui vont peut-être gagner la guerre. Mais Emmanuel Macron, dans ses voeux, a une formule intéressante. Il met en garde contre la tentation de l'esprit de défaite. Oui. C'est-à-dire, pour le coup, ce pessimisme. Les gens ont du mal à croire que ça pourra aller mieux demain. Et ça, c'est sans doute une pensée dominante aujourd'hui. S'il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas de chemin. Et s'il n'y a pas de chemin, on ne mène pas de combat. Je veux dire, si on a tous peur, si on ne peut rien faire, si les femmes n'ont plus d'enfants, et si on n'écoute plus que des voix d'extrême droite qui disent « on ferme tout, on est entre nous et tout », et on devient quoi? Une espèce de... La chance de la France, c'est le métissage. Je veux dire. Avant, on a métissé des Bretons avec des Provençaux, avec des Alsaciens, on n'avait rien en commun, même pas la religion. Maintenant, on a la chance d'être un pays métisse de par l'histoire coloniale. C'est une chance énorme. Et quand on dit ça, on vous regarde en disant « attention, tu vas faire monter l'extrême droite ». Vous inquiétez pas, elle monte très très bien avec des discours de couardise et de faiblesse. C'est dur, hein. Non, je dis c'est dur. Oui. Hein? C'est très dur. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Quand les pavés volent comme de grands oiseaux gris, en plein dans la gueule des flics au regard surpris. Quand ça gueule du sac, lorsque partout l'on entend le bruit des matraques sur les crânes intelligents. Dans la douceur de la nuit, le ciel m'offre son abri, et je pense à Jésus-Christ, celui d'Ali. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. ciel calme, l'avion par-dessus les toits verse son napalm sur le peuple indochinois. Quand c'est la fringale, lorsqu'en place d'aliments, les feux du Bengale cuisent les petits enfants. Dans la fraîcheur de la nuit, je me sens tout attendri en pensant à Jésus-Christ, celui qu'a dit. Ça jordanise quand le pauvre fédayen copie par bêtise la prose à Monsieur Jourdain. Quand le mercenaire ne songe qu'à vivre en paix et se désaltère avec un demi-diafrais. Dans la tiédeur de la nuit, la prière est mon appui, car je pense à Jésus-Christ, celui qui a dit. McDonald's ou même Renault en France sont partis. Nathalie Loiseau, les entreprises occidentales et françaises en l'occurrence qui restent, je reprends l'expression d'Antonin Jakobski, proposée par Yael, ont du sang sur les mains. Beaucoup d'entreprises sont parties, ont réussi à... Vous allez faire une réponse de politique. Non, pas du tout. D'accord. Parce que je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est très clair. Une entreprise qui finance l'effort de guerre russe, c'est une entreprise sur laquelle on doit se poser des questions. Alors, est-ce qu'il faut réglementer? Est-ce qu'il faut interdire? Est-ce qu'il faut inciter à revenir? Vous pensez quoi, vous? Moi, je pense qu'il faut avoir un langage très clair et se dire que demain, on souhaite une victoire de l'Ukraine, une défaite de la Russie. On souhaite aider à reconstruire l'Ukraine. Mmh. Il faut mettre ces entreprises devant la réalité de demain et leur demander si elles sont absolument sûres d'être du bon côté de l'histoire. Il faut le dire très, très clairement. Il y a des entreprises françaises... Pas que. Mais il y a des entreprises européennes. Seriez-vous du bon côté de l'histoire? Aussi. Pas sûr que ça bouge les lignes. Le risque réputationnel. Ah oui. Immédiatement, vous avez cité le Kremlin, Auchan, tout le monde est au courant. Un risque réputationnel. Il y a eu des manifestations, il y en a d'ailleurs régulièrement, place de la République, le samedi, qui s'arrêtent devant un magasin et qui disent vous avez du sang sur les mains. Les actionnaires peuvent se poser des questions aussi, au bout d'un moment, se dire est-ce que c'est vers là qu'il faut que nous restions? Ou est-ce qu'il y a d'autres choix à faire? Donc non, c'est pas anodin, ce qu'on appelle le « ne-menschem » en bon français. C'est pas anodin. Pour faire honte, en fait. Pour dire, vous avez fait un choix. Ce choix a des conséquences. Vous devez assumer les conséquences de votre choix. Jean-Marie Guénaud, c'est vrai que les entreprises françaises ne sont pas les mieux placées dans ce débat moral. Il y a pas mal d'entreprises françaises, effectivement, qui sont encore dans ce pays. Quel est votre regard là-dessus? Moi, je pense que isoler économiquement la Russie en faisant en sorte que les entreprises ne puissent pas continuer d'y travailler et donc d'y payer des impôts, c'est une bonne chose. Mais cela dit, c'est pas ça qui va régler le problème de fond. Le problème de fond, c'est un problème des moyens budgétaires qu'on met et de l'appareil industriel qu'on organise. Parce qu'il m'a frappé au moment de la guerre au moment du Covid. Je vais dire la guerre du Covid. Oui, on peut. Même si le terme de guerre est un peu galvaudé. Au moment du Covid, les Américains ont mis sur la table plus de 10 milliards de dollars pour faire monter en puissance l'appareil industriel, de telle manière qu'entre le moment où on testait les vaccins et le moment où on les produisait en masse, ça se réduise. Et ce qui a permis... alors, il y a des problèmes avec ça, parce que on a privilégié les États-Unis, mais enfin, on a mis en place un vrai appareil industriel pour produire des vaccins. C'est un peu la même chose qu'il faut aujourd'hui pour les équipements, pour les munitions. Parce que et pour que l'Europe aide l'Ukraine. Parce que Nathalie Loiseau, vous étiez à Stockholm, juste rappelez que mercredi, il y a eu un sommet important, oui, de 27 ministres de la Défense, pour accélérer justement cette production de munitions, avec l'idée de changer d'échelle, avec des mots très forts, on va les voir. Hein. Nous vivons en temps de guerre. Nous devons passer à une mentalité, pardon, de guerre. Ça, c'est Josep Borrell qui dit ça. C'est le chef très fort, hein, de diplomatie européenne. Et en gros, on passe de 1 à 2 millions d'euros, de 1 à 2 milliards d'euros côté européen pour aider. Oui, mais non, c'est munitions. C'est un seul aspect. L'idée qu'on a eue, c'est de pousser tous les feux en même temps. C'est-à-dire, l'urgence, on l'a tous dit, c'est les munitions. Il faut, j'allais dire, vider nos poches, vider nos stocks, envoyer en Ukraine ce que nous avons. Mais évidemment, la préoccupation des États européens, c'est de pouvoir remplir à nouveau les stocks, parce que personne ne peut dire si cette guerre va s'arrêter aux frontières de l'Ukraine ou si elle va déborder. Juste, je m'appuie sur votre parallèle avec le Covid. Est-ce que c'est pareil? Alors, bien sûr, c'est pas les mêmes enjeux, etc., mais est-ce que c'est d'une manière philosophique presque, exactement, pareil que le Doliprane? C'est la même chose que les vaccins, en tout cas. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire, capable, souveraineté. Souveraineté. D'avoir délégué, d'avoir délocalisé. Mais bien sûr, parce qu'on est en train de s'apercevoir que, par exemple, pour fabriquer des munitions, il faut avoir de la poudre qu'elle fabriquait ailleurs. Alors, le ministre français de la Défense a passé un accord avec l'Australie pour pouvoir récupérer cette poudre le plus vite possible. On pousse tous les feux en même temps. Ce qu'on veut aussi, comme pour le Covid, comme pour les vaccins, parce que vous avez pas que des philanthropes en période de guerre. Le prix des munitions est en train de monter. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on les achète tous séparément. On se précipite sur les marchés, on dit tiens, je vais faire un chèque ici, je vais faire un chèque là. Ça rappelle les masques. Ça rappelle... Non mais c'est exprès, parce que tu as le parallèle. Bien sûr, parce que... Mais vous avez raison. Parce que ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de l'achat en commun. Voilà. De dire, on s'y met ensemble, en européen. Parce qu'évidemment, si tous les pays, ou presque tous les pays européens, commandent en même temps, ça va avoir un impact. Les industriels que nous rencontrons aussi, qui nous disent on peut accélérer les choses, on peut augmenter les chaînes de production si on a des commandes. Yes. Alors on leur dit, écoutez, regardez ce qui se passe en Ukraine, visiblement il y a un besoin. Une fois qu'on leur a dit ça, des commandes en commun, évidemment que ça les pousse à accélérer la production. Ça commence déjà à être le cas, par exemple, pour les canons César. Vous vous souvenez que quand on a livré les premiers canons César, on entendait beaucoup, attention, un canon c'est très long à fabriquer, c'est très compliqué, etc. Aujourd'hui, Nexter va beaucoup plus vite parce qu'il sait qu'il a des commandes. Et alors, généralement, Léopard, par exemple, pendant la guerre froide, Krauss-Maffei, qui fabrique ses chars, en fabriquait 300 par an. Aujourd'hui, ils en fabriquent 50. Ouais. Et puis ils en retapent 50 autres, ils les modernisent. On n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Mais pour que Krauss-Maffei se lance dans de nouvelles productions, évidemment, il faut qu'il ait des contrats bien scellés. Et là, je pense qu'il y a aussi un problème d'argent, franchement. Parce que moi, je suis très heureux de voir qu'il y a eu la fameuse Peace Facility européenne. Je crois que c'est 3 milliards, 3 milliards et demi d'euros à peu près. On va monter à 5 milliards. Les États-Unis, depuis le début de la guerre, ont donné environ 48 milliards de dollars pour l'aide militaire à l'Ukraine. L'Europe fait beaucoup sur le plan humanitaire, financier, fait beaucoup moins sur le plan militaire. Ensuite, le premier pays européen pour l'aide militaire, il n'est pas dans l'Union européenne, c'est la Grande-Bretagne, suivi par la Pologne, suivi par l'Allemagne. Justement, alors parlons-en. Parlons de nous. On est loin. Parlons de la France. On est loin dans le classement. Elsa Vidal. Moi, il me semble que c'est de manière collective, c'est de manière intégrée au niveau européen qu'on a une carte à jouer aussi en tant que Français. On peut relancer l'industrie, mais on ne peut pas, d'ici 5 ans, redevenir une puissance qui va produire suffisamment pour changer la destinée de ce conflit. Par contre, dans un moment intégré, peut-être un peu dans le parallèle que vous faisiez, Thomas, avec le Covid, avec cette intégration soudaine vis-à-vis de laquelle on avait un peu perdu espoir il y a encore quelques années, quand on parlait de l'Europe comme d'un machin. Ben là, le Elsa Vidal, on a un tout petit souci de micro. Ah, pardon. Et donc, on va faire... Non, pas du tout. Va arriver un jeune homme. J'en ai deux, avec une casquette et un micro dans la main. Ah, c'est mieux. Et vous allez pouvoir être une star du music hall. Une autre carrière. D'accord. Non, ce que je disais, c'est que, à part en jouant collectif, je vois pas comment on peut véritablement avoir une contribution qui change la donne au niveau militaire en tant que Français et en tant qu'État, c'est la perspective européenne qui peut, encore une fois, se révéler notre seul chemin, j'ai envie de dire, de survie et qui va apporter du sens. L'autre aspect sur lequel je voulais revenir pour parler aussi de la coopération économique de certaines entreprises françaises avec la Russie, je voulais attirer l'attention peut-être des téléspectateurs sur le fait que Greenpeace a sorti, il me semble, un rapport, le 9 mars, un rapport qui revient sur la très grande dépendance française à l'uranium russe. Et c'est la réédition, c'est la poursuite d'une enquête que Greenpeace avait faite. C'est-à-dire que pour le traitement de nos déchets nucléaires, nous sommes entièrement dépendants de la filière russe. Et pour l'acquisition de combustible d'uranium enrichi, nous ne le sommes pas totalement, mais nous le sommes grandement, au-delà de 70%. Et nous avons, la France, tout particulièrement, des accords de coopération avec Rosatom. Depuis les années 70, nous avons une préférence pour l'atome russe, où on va dire, non, il est kazakh, oui, il est ouzbek, mais il passe par la Russie, et la Russie a un droit de contrôle dessus. Donc c'est aussi très important en termes de souveraineté énergétique, à l'heure où on se demande si notre sortie, ça ne va pas être par le nucléaire. Ce que ça dit aussi plus largement, parce que ce soit cette question-là ou d'autres questions, par exemple les Russes avec le gaz, c'est que la dépendance à l'égard de la Russie nous empêche aussi parfois de soutenir à la hauteur que l'on désirerait les alliés ukrainiens. Et justement, Antonin Arjakovski, vous vouliez prendre la parole, mais je vous pose une question et puis après vous répondez ce que vous voulez, c'est comme ça que ça se passe en général. Est-ce que vous considérez que la France en fait assez? C'est la question simple que je voulais vous poser. Jean-Marie Guénot évoquait le fait que les Français ne sont pas les plus à aider les Ukrainiens. La France a fait un travail remarquable depuis un an de prise de conscience de l'importance de ce conflit et de la nécessité d'être aux côtés des Ukrainiens. C'est une évidence. Le fait que le président Macron, le 31 décembre, ait dit « on est du côté de l'Ukraine jusqu'à la victoire », c'est capital. Mais on revenait de loin. Vous savez qu'il y aurait un mais. On revient de loin. C'est vrai qu'on n'est pas très bien positionné sur un plan européen parce que, en Europe de l'Est, par exemple, on se souvient que c'est un peu à cause de la France et de l'Allemagne que l'Ukraine n'a pas pu intégrer l'OTAN en 2008 à Bucarest quand c'était encore possible. Ce genre de diplomatie à l'ancienne, c'était lié à un autre cadre, à une autre vision des choses, où on pensait qu'avec la Russie, on pouvait faire affaire en mettant de côté les principes éthiques. La diplomatie française se définissait comme une diplomatie multivectorielle. On peut ne pas être d'accord avec la Russie sur, par exemple, la prise de la Crimée, mais par contre, on peut se mettre d'accord avec la Russie sur l'Afghanistan. Voilà, c'est multivectoriel, il n'y a pas d'éthique. Aujourd'hui, on se rend compte que de se distancer des principes éthiques, c'est finalement se distancer de la Charte des Nations Unies, c'est se distancer du fondement même et on paye ça aujourd'hui. International. Et on paye ça aujourd'hui. C'est vraiment, à mon avis, un problème capital. Et je rajouterais une chose, c'est qu'on n'a pas suffisamment pris en compte que la Russie, c'est très divers. Il y a 140 millions d'habitants. On a vu que Poutine. Oui, ça, c'est le cœur de votre tribune. Voilà. Et alors qu'il n'y a pas que Poutine, il y a des millions de Russes qui sont sincèrement pour la démocratie, pour l'Europe. Il a dit quoi dans sa confidence en rentrant dans l'avion l'autre jour du sommet de Munich? Il a dit quoi, le président? Qu'il y avait, selon lui, pas d'autre alternative que Vladimir Poutine. Ça être pire après Poutine. Et pour moi, c'est un vrai problème. Alors, expliquez-nous. D'abord, parce qu'il y a des alternatives à Poutine. Il y a des gens extrêmement connus et extrêmement actifs, comme Navalny, qui est aujourd'hui en prison. Mais on dit il est en prison, il n'a pas de pouvoir. Et pourtant, Mandela, il était en prison et il est devenu le président de l'Afrique du Sud. Emmanuel Macron le sait, ça. Pourquoi il dit qu'il n'y a pas d'alternative à Poutine aujourd'hui? Mais parce que voilà, il y a des intérêts. On a parlé de Rosatom, on a parlé de la filière d'uranium enrichi, qui, à mon avis, empêche ce genre de dialogue. Vous ne pensez pas que c'est aussi l'expérience de l'histoire qui fait que il y avait Kadhafi et puis il n'y avait plus Kadhafi. Il y avait Saddam Hussein, il n'y a plus Saddam Hussein. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question? Si on parle d'histoire, je voudrais juste terminer là-dessus. Si on parle d'histoire, on ne peut pas imaginer une seconde les Alliés négocier avec Hitler quel sera l'ordre international de l'Europe avec l'Allemagne nazie. on peut pas l'imaginer. Et pour les Ukrainiens et pour la moitié des Européens, surtout d'Europe centrale et orientale, c'est juste impensable. Donc ça veut dire il faut là, dès maintenant, investir sur les Russes qui sont prêts à former un gouvernement. Il y a les Russes en Russie, et puis il y a les Russes à l'étranger, les Khodorkovsky, les Kasparov, qui ont créé une plateforme commune démocratique, et que, pour l'instant, on ne voit pas. On est comme aveuglés. C'est quand même un chef d'État qui parle. Ça nous est facile, nous, de dire certaines choses et d'être dans le camp du bien. Quand vous êtes chef d'État, quand vous n'excluez pas d'être obligé de devoir rappeler Vladimir Poutine, par exemple, parce qu'il y a encore eu des frappes autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, et pendant plusieurs jours, la plus grosse centrale nucléaire d'Europe, pendant plusieurs jours, on ne savait pas si cette centrale nucléaire n'allait pas être totalement coupée de courant. Vous avez peut-être vu le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique sonner le tocsin en disant « Mais vous êtes fous, vous êtes complaisants, il faut faire quelque chose ». Il faut bien que quelqu'un puisse parler à Vladimir Poutine. Non. Si vous passez votre temps à dire... Pour aboutir à quoi? Et parce que jusqu'à présent, vous avez cette centrale... Zaporizhzhia, ça reste l'endroit le plus dangereux d'Europe aujourd'hui. Bah, et du monde. On a réussi, je voudrais juste terminer. Terminé, puis après Jean-Marie Guénaud. On a réussi à faire aller les inspecteurs de l'AIEA dans Zaporizhzhia. On a réussi à cerner le problème de manière... peut-être insatisfaisante, mais on a fait le maximum de ce... Oui, mais vous faites comment? La centrale, elle est occupée par des militaires russes. Vous allez les en sortir comment? En mettant la pression maximale sur Vladimir Poutine, et pas en le légitimant en chef d'État normal. Poutine joue de ça. C'est là-dessus qu'il depuis des décennies, il parvient à prendre d'abord la Géorgie, la Tchétchénie et d'autres pays, en ayant le sentiment qu'on le prend comme un chef d'État normal. On est d'accord que même Emmanuel Macron a confirmé la naïveté, et c'est assez rare de dire « oui, je me suis fait avoir ». Il l'a quand même dit, ça. Et c'est magnifique. Et ça fait longtemps, effectivement, Tchétchénie, Géorgie, Donbass, Crimée... Syrie, enfin la liste est très longue, mais c'était le moment où on disait les dividendes de la paix. Et c'est le moment où on a sous-investi dans les industries de défense, où on pensait que la guerre c'était des corps expéditionnaires ici ou là. On va y revenir. Ça serait jamais autre chose. Justement, est-ce que ça pose pas plus largement notre question du rapport, de notre rapport à la guerre aussi? Jean-Marie Guénaud, je voulais vous donner la parole, vous vouliez la prendre, oui, je vous la donne. Pour dire que je crois qu'un chef d'État n'a pas insulté un autre chef d'État, il faut garder... Il faut garder la possibilité de parler. Canaux de discussion. Mais il faut absolument. Et là, je pense que le président Macron a eu raison, avant le conflit, d'insister pour avoir ces canaux de contact. Aujourd'hui, lui donner une sorte de brevet de moralité en disant les autres seraient pires que lui. D'abord, on n'en sait rien. Les services secrets, les services français n'ont pas été capables, n'ont pas vu venir la guerre. Alors, s'ils savent ce qui viendrait après Poutine, chapeau. Ils n'en savent rien. Personne n'en sait rien. Ça pourrait être beaucoup mieux. Ça pourrait être pire. On n'en sait rien. Et donc, je pense que ça, c'est une erreur de parler ainsi, comme c'est une erreur d'employer les grands mots d'architecture de sécurité. Ça n'a aucun sens. Dans la situation, mais ça n'a aujourd'hui aucun sens dans la situation de sécurité actuelle de l'Europe. Où, pour qu'il y ait une architecture de sécurité, il faut qu'il y ait un minimum d'accord, de confiance, et donc d'accord d'abord sur ce que pourrait être cette architecture, et ensuite de confiance. Or, Poutine, son but, c'est de changer le statu quo, c'est de démolir l'Union européenne. Donc là, il y a une opposition frontale. Et quant à la confiance, évidemment, jusqu'à quelques jours avant le conflit, la diplomatie russe mentait, elle respirait. Et donc la confiance, elle est nulle. Zavidan nous dit souvent que les Russes mentent beaucoup. Donc cette idée d'architecture de sécurité n'a pas de sens. Aujourd'hui, ce qu'on peut essayer, c'est à un moment ou à un autre d'arrêter les combats. Pas maintenant, ça serait très défavorable à l'Ukraine. Mais de parler d'une architecture de sécurité... C'est se projeter dans un avenir un peu irréel. Alors, ça dit... En fait, je déteste cette expression, mais ça dit quoi? Ben, ça dit... De nous, les Français, d'avoir cette position un peu atypique, quand même. Oui, mais à mon sens, il y a une grave erreur de calcul. C'est qu'on a évoqué tout à l'heure le fait que, pendant 20 ans, on a développé une codépendance, pensant que le commerce et notre développement conjoint avec la Russie nous permettraient de peser. Or, nous ne nous sommes jamais donné l'autorisation de peser en instaurant un rapport de force. Le rapport de force, il est instauré par les autorités russes vis-à-vis de nous, et nous l'acceptons Nous nous sentons intimidés, nous avons peur de répondre de la même manière. Or, cette dépendance énergétique que nous avions, par exemple, vis-à-vis de la Russie, aurait pu nous servir aussi à faire pression sur la Russie, puisque nous étions un de ses plus grands clients. On aurait tout à fait pu être dans une diplomatie transactionnelle. Je cède sur tel point, mais je veux un résultat sur l'autre. On ne l'active jamais vis-à-vis de la Russie. C'est intéressant parce que sur le plateau, à votre place, Antoine, non, votre place, Nathalie Loiseau, il y a deux semaines, il y avait François Hollande, l'ancien président de la République, et il nous rappelait ça, il nous disait, vous savez, quand j'ai dit ça non aux Russes sur l'envoi, la commande des Mistral, les porte-hélicoptères, ben j'ai dit, mais comment Poutine a réagi? Ben, il a entendu, parce qu'il ne comprend que le rapport de force. Non, c'est un moment où on a dit non à Poutine, et lui, qui sait les intérêts des nations, dit, bah, je comprends, bien joué François. Oui, mais c'est pas propre, c'est pas uniquement propre à Vladimir Poutine, je pense que c'est l'essence de la politique qu'on a perdu de vue, et c'est malgré tout un dialogue beaucoup plus clair que de partir sur la base de quel est votre intérêt, quelle est votre ligne rouge. Il y a un rapport parlementaire qui est sorti récemment de deux députés, Vincent Bru et Julien Rancoul. Ils disent qu'avec la fin de la guerre froide, qu'avec l'arrêt du service militaire sous Chirac 96, qu'avec la révision générale des politiques publiques 2007, puis la crise financière 2008 qui a coûté très cher, eh ben, on a abandonné notre industrie d'armement. Les munitions, moi j'ai découvert ça en lisant le rapport, depuis 1999, on ne fabrique plus en France de petites munitions, petites balles. On les importe visiblement d'Israël et des Émirats Arabes Unis. Et pour les munitions complexes, on est complètement dépendant de l'étranger. Et ce qu'ils disent, c'est que les forces françaises ne seraient pas en état de faire plus, de résister plus de quelques jours à une grosse offensive russe. On en serait là en termes de stock de munitions produits. Est-ce que c'est le cas ou pas, Michel Goyen? Et est-ce que c'est une clé pour comprendre notre diplomatie? Quelques jours de résistance si la Russie s'en prenait à nous. Ils sont difficiles, mais... Oui ou deux questions. Oui ou deux questions? Ah oui. On est content d'avoir bien dormi ce soir. Non, mais... Bon, il faut revenir un peu en arrière pour voir le problème. Notre armée a implosé. Voilà, depuis 1990, nous implosons. Parce que nous subissons une crise des ciseaux entre des équipements. On a une politique industrielle assez conservatrice où on fabrique, en gros, on fabrique toujours la même chose, mais en mieux et en beaucoup plus cher, une génération d'équipements, d'équipements majeurs, nouveaux chars de bataille, porte-avions, les avions de combat. Ça coûte entre 2 et 4 fois le prix de la génération précédente. Voilà, le nouveau char va coûter 4 fois le prix du... bon. Donc il y a une augmentation. Il y a de l'inflation là aussi. Oui, alors ça s'étale sur une longue durée. Mais, et quand en même temps vous diminuez l'effort de défense, on est passé en termes de pourcentage du PIB, presque 3% à moins de 1,5%. On divise par deux notre effort et on a des commandes. En plus, le hasard a voulu que, tournant des années 80 et 90, on commande de nouveaux porte-avions, l'avion Rafale, enfin, on a toute une série de programmes. Tout ça nous a fait imploser. C'est-à-dire qu'on a été incapable de payer, de financer ces équipements. On les a réduits considérablement. On a réduit aussi, pour essayer de payer justement ceux qui fabriquaient les équipements, on a réduit le nombre de ceux qu'ils utilisaient. Et au bout du compte, on a une contraction permanente de notre force. Quand on s'est professionnalisé pour pouvoir déployer massivement des moyens. Alors on imaginait au départ, pour 2015, pouvoir déployer 60 000 combattants et 115 avions. En 2008, on a dit, bon, finalement, ce sera 30 000. En 2013, on a dit, bon, finalement, ce sera 15 000. Et actuellement, ce dont on est sûr, c'est qu'on est capable d'équiper complètement 8 000 hommes pour partir au combat. 8 000 hommes. D'accord. 8 000. Donc si... Donc, la dissuasion nucléaire est évidemment un atout par rapport à la Russie, mais dans un conflit armé, on serait en très mauvaise posture. Ben oui, un conflit de très haute importance, ce qu'on appelle de haute intensité, c'est-à-dire à la fois très violent et de très grande ampleur, on serait en grande difficulté. Ce qui explique, et je réponds à votre question, le fait que quand il s'agit d'aider un pays qui est lui-même confronté, doit mener une guerre de haute intensité, on est un peu sec. C'est-à-dire, et on revient notamment... Non, mais on est sec, mais ça... D'un point de vue matériel, on a compris, on est un peu sec, mais est-ce qu'on est aussi un peu sec parce qu'on se dit... Il faut mieux pas que le conflit prenne une grande ampleur, vous voyez ce que je veux dire, que ça dépasse les frontières de l'Ukraine, parce que on ne sait pas vraiment si on est capable de maintenir notre capacité de mener un combat, une guerre classique, disons. Oui, mais encore une fois, ça a aussi d'autres implications diplomatiques. Les Américains, eux, enfin, je veux dire autrement, si on faisait le même effort de défense que les Américains, en termes de pourcentage du PIB, notre budget de défense ne serait pas de 44 milliards d'euros, il serait de 92 milliards d'euros. Donc quasiment le double. Et si on faisait simplement le même effort qu'on faisait nous en France en 1990, on serait à 72 milliards d'euros. Donc on a abdiqué. Les Américains, non. Et ce qui fait qu'ils pèsent ils fournissent 70% de l'aide militaire à l'Ukraine. Mais ils se sont donné les moyens d'être forts, ils se sont donné les moyens de peser. Donc on peut se plaindre de cette présence américaine permanente, mais eux, ils se sont donné les moyens, nous non. Tout le monde veut prendre la parole, mais quand même, une question. Mon colonel, est-ce que vous êtes inquiet? Non, pas par nature, non. Je ne vous demande pas votre caractère. Hein. Je vous demande si vous êtes inquiet. Ouais, mais quand même, est-ce que vous dites il faut mieux pas qu'un problème nous arrive, quoi, qu'une tuile nous arrive? Le problème, c'est on revient à ce qu'on disait sur, par exemple sur le Covid, c'est que nous n'avons pas pensé la surprise. Et dans quelque domaine que ce soit. Mm. Si on avait réfléchi au fait qu'une guerre pouvait être de grande intensité pouvait surgir à nos portes, ou si même nous on pouvait être confrontés à cette situation, bah, il faut prévoir des stocks. On parlait des stocks ukrainiens et russes, eux ont prévu. Nous, on n'a pas de stock. Ils viendront d'ici ou d'ailleurs pour cueillir des fleurs sur nos boulevards. Ils viendront, puis ils reviendront, puis ils s'en iront un peu plus tard. Ils viendront chassés par le temps, poussés par le vent du désespoir. Ils viendront comme des épouvantails, planter leurs médailles sur le champ de bataille. Ils viendront, voici la main de l'on n'a pas changé de prénom. Ils viendront d'ici ou d'ailleurs pour cueillir des fleurs dans nos plumards. Ils viendront pour la belle Hélène et les chrysanthèmes sous son peignoir. Ils viendront refleurir nos tombes au carrefour du monde et de l'histoire. Ils viendront fêter nos funérailles, vendre leurs médailles sur le champ de bataille et rebaptiser nos madelons. Tout n'est qu'à faire le prénom. Quand ils auront marié nos filles, fondé nos familles sur leurs espoirs, qu'ils auront de briques et de tuiles rebâti nos villes et nos boulevards, qu'ils auront changé l'horizon, c'est nous qui reviendrons un peu plus tard. Et nous échangerons nos médailles, on fera un bail sur le champ de bataille. Dans les bois venons faire danser la Madelon. Vue de presse. Alors, vendredi 17 mars, par exemple, 2023, Remiremont et environ. Remiremont, le carnaval vénitien renforce sa sécurité. Oui. Combien coûte la manifestation à la ville et aux contribuables? Un budget entre 15 000 et 20 000 euros. Bon, ben, ma foi, vous avez voté, hein. Ne venez pas vous plaindre. SVB, banque, SVB et Crédit Suisse. Quel risque pour l'économie? Après la faillite express de SVB aux États-Unis, les difficultés de Crédit Suisse de ce côté de l'Atlantique font craindre une nouvelle crise financière, comme en 2008, point d'interrogation. Bon, oui, ça n'a rien à voir avec la crise de 1929, mais non, aucun rapport, allez, aucun rapport. Guerre en Ukraine, la Pologne affirme avoir démantelé un réseau d'espionnage russe. Ah, une majorité de Suisses pour un rapprochement avec l'OTAN. Ah, ah, recherche la moitié des femmes scientifiques victimes du harcèlement sexuel. Ah, ah, ah, ah. Énergie, Libye, des conteneurs d'uranium disparus, finalement retrouvés. Ah, ah, ah. Mer Noire, Washington publie les images de l'interception de son drone par les Russes. Oh, l'image en question, elle n'est pas très claire, hein. Un avion avec une espèce de nuage derrière, bon, enfin bref, hein, oui, oh là là là, hein, ces gens-là, ils nous amènent vers des choses dangereuses de plus en plus. L'armée américaine a diffusé jeudi les images de l'interception au-dessus de la mer Noire de son drone par l'armée russe, montrant un avion de chasse aspergeant de carburant l'aéronef que l'on aperçoit avec une pale d'hélice endommagée. Le drone américain est ensuite tombé dans les eaux internationales après avoir été percuté. Moscou a reconnu que deux chasseurs sont venus intercepter le drone, mais affirment ne pas être responsables de sa chute. Oui, mais la photo en question, bon, ça, à mon avis, c'est un montage. Oh, bah, ce serait pas la première fois qu'on en manipulerait, hein. Non, puis ça sera pas la dernière. Mais non, mais non. Alors, 49.3, c'est un déni de démocratie pour les syndicats. Ouais. Ah ben oui, c'est court, ça. Hein? Un déni de démocratie pour les syndicats. Le franc-maçonnerie, le grand orient de France à 250 ans. Être mieux connu de tous. Alors, voilà. Ces travaux étaient à l'origine des grandes avancées sociales et républicaines, comme par exemple la séparation des églises et de l'État, la liberté d'association, la protection sociale, les mutuelles, les congés payés, le planning familial, le droit à l'avortement, le mariage pour tous, la dignité en fin de vie. Bon, ben ma foi, voilà, bravo. Ouais, hein, bravo, si tout ça c'est vrai. Santé, le Covid bientôt similaire à la grippe. Point d'interrogation. Prison, 125 suicides en 2022. L'association Gassi, à Remiremont, produit sa propre électricité. Poutine, en visite surprise à Mariupol. Aucune trace de destruction n'est visible sur les images retransmises par la télévision russe. Mariupol a pourtant été détruite à 90% selon Kiev. Eh oui, comme quoi, vous voyez l'information. L'information, les journaux, nos journaux, hein, eh bien, comme les radios, comme les télés, ça peut être truqué tout ça. On peut se moquer de nous. Ben oui, pourquoi les Allemands ont-ils voté Hitler en 1933? Eh bien, parce qu'ils ont été leurrés par la presse de l'époque. Ils ont été induits en erreur par la presse de l'époque. Eh oui, et ça leur a coûté 10 millions de morts à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Eh oui, dont ils sont responsables, bien sûr. Mais ils ne savaient pas qu'ils seraient responsables d'une chose pareille, en votant pour Hitler, à cause des 6 millions de chômeurs. Hein? Et les 6 millions de chômeurs en France, ils seront à cause de quoi? Hein? Ils seront à l'origine de quelle catastrophe autre, parce qu'il y a 6 millions de chômeurs en France, mais il y en a autant en Allemagne, autant, etc., etc., etc. Des chômeurs, il y en a des millions en Europe. Des millions et des millions. Alors, ça va déboucher sur une catastrophe terrible, hein? Ah oui, oui, oui, oui, il aurait fallu que les électeurs, ils se prennent en main, qu'ils réfléchissent un peu plus, et qu'ils arrêtent de voter pour des connards. Ah oui, Moyen-Orient, chômage, n'oubliez pas le chômage. Moyen-Orient, 20 ans après l'invasion par les États-Unis, l'Irak, toujours instable. Bien loin des promesses de démocratie faites par George W. Bush, lors de l'invasion américaine en 2003, le système politique irakien est à bout de souffle, instable et gangréné par la corruption. Ah, les États-Unis, qui sont la première démocratie du monde, n'aident pas les démocraties à vivre et à survivre. Hein. Non. Poutine en visite à surprise à Mariupol. Bon, Crédit Suisse racheté en urgence par sa rivale UBS, Union des banques suisses. Ah, les banques qui font faillite aux États-Unis, qui font faillite en Suisse. Ça vous rappelle pas des années, hein? 1929, la crise de 19... Oh non! Oh, mais non, mais non, mais non, oh non. Retraite. Aucun député vosgien ne vote la motion de censure. Retraite. Aucun député vosgien ne vote la motion de censure. Faudra s'en souvenir aux prochaines élections. Retraite. Aucun député vosgien ne vote la motion de censure. Souvenons-nous-en quand nous voterons. Hein? Eh oui. Souvenons-nous-en. Il faut qu'on ait de la mémoire, nous autres les électeurs. Guerre en Ukraine. Xi Jinping chez Vladimir Poutine en faiseur de paix. Alors Vladimir Poutine recevait lundi soir Xi Jinping au Kremlin, à Moscou, autour d'une table bien plus petite que celle opposée naguère à Emmanuel Macron. Ah oui, Emmanuel Macron était à un bout d'une table et Poutine était à l'autre bout de la table qui faisait 4 mètres 50 de long à peu près. Et là, ils ont une petite table qui fait 60 cm de long. Ah oui. Alors, le président chinois fait depuis lundi la promotion à Moscou de son plan de paix. Son plan de paix. Soucieux que son pays apparaisse en superpuissance responsable face à l'adversaire américain. Alors que son plan de paix apparaisse en superpuissance responsable face à l'adversaire américain. Premier visé, les Européens. Pouvoir, au pluriel, et opinion, au pluriel. Et de neuf, le président chinois Xi Jinping, qui n'est pas le plus grand des voyageurs, effectue depuis ce lundi son 9e déplacement en Russie. Et avec un objectif qui dépasse largement son autre, s'imposer en faiseur de paix dans la guerre en Ukraine et donc positionner la Chine en superpuissance responsable dans son duel avec les États-Unis. La fusion UBS Crédit Suisse, fort critiquée. Le rachat dans l'urgence du Crédit Suisse par sa rivale UBS sous la pression des autorités suisses a permis d'éviter un naufrage, mais les investisseurs étaient restés inquiets lundi face à une union forcée, par ailleurs très critiquée par la presse et nombre de responsables politiques. Qu'est-ce que ça nous prépare? Vosges, mixité sociale au collège. La situation dans le département. L'indice de position sociale montre que les collèges les plus défavorisés sont aussi ceux où la mixité sociale est moindre. Alors, les établissements publics plus hétérogènes que leurs homologues privés. Et ça vous étonne, ça? Les établissements publics plus hétérogènes que leurs homologues privés. Il est désormais possible de consulter le fichier recensant les indices de position sociale des collèges de France qui mesure les inégalités sociales entre établissements. Inégalités sociales entre établissements. Eh oui, ben oui. Les gosses de riches ont des droits que n'ont pas forcément les autres. Le député Gaultier interpelle le gouvernement sur la loi Rist. Bon, la loi Rist fait trembler les hôpitaux vosgiens, dit-il, ce député-là, qui, comme les autres, n'a pas voté, la censure. Mais le capitalisme coupe l'arbre dont il ne peut vendre l'ombre, signé Karl Marx. Je ne plierai pas, je ne m'en irai pas en silence, je ne me soumettrai pas, je ne me retournerai pas, je ne me conformerai pas, je ne me coucherai pas, je ne me tairai pas. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Ce n'est pas subir la loi du mensonge triomphant. Qui a écrit ça? Eh ben oui, Jean Jaurès. Même si nous sommes moins de 1750 en France pour tenter de veiller à l'application du Code du travail dans près de 2 millions d'entreprises, même si en 10 ans, 20% des effectifs de contrôle ont été supprimés, nous sommes toujours là. Vive l'inspection du travail. Recyclez vos déchets. N'en faites pas des ministres. Dans un pays ruiné par la guerre et l'occupation en seulement un an, création du régime général de la sécurité sociale, création de comités d'entreprise, nationalisation de Renault et d'EDF, nationalisation de la Banque de France et des grandes compagnies d'assurance, création du statut de la fonction publique, création du régime étudiant de sécurité sociale, a pris aux riches pour donner aux pauvres. Qui donc a fait ça? Eh bien, c'est Ambroise Croizat qui était ministre ouvrier. Ministre et ouvrier. Ouvrier et ministre. Maintenant, un autre personnage arrive au pouvoir. Dans la cinquième puissance du monde, diminution des cotisations sociales et de lits hospitaliers, a supprimé les CHSCT et détruit le Code du Travail, veut privatiser la SNCF, promulgue le secret des affaires, a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, veut supprimer 120 000 fonctionnaires, a détruit le Code du Travail, a supprimé le régime étudiant de sécurité sociale et veut augmenter les droits d'inscription, prend aux pauvres pour donner aux riches. Qui est-ce qui fait ça? Hein? Eh ben oui, vous avez deviné, c'est Macron.